N'essayez pas de régler le volume de ce fichier sonore. Nous contrôlons tout ce que vous écoutez. Une nouvelle forme de divertissement est arrivée. Ceci est un podcast produit par Nerdstalk.net. Nerdstalk.net. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 11 du podcast Movies Nerd, enregistré le 7 novembre 2014. Que s'est-il passé ce mois-ci sur la planète cinéma? Vous allez savoir maintenant, c'est parti. Scene 1, Apple, take 1. Bonjour, bienvenue pour ce numéro 11 du podcast. Donc je suis toujours Axel, votre hôte, et j'ai avec moi mes co-hôtes, Eddy et Quentin. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Ça a été ce mois-ci plein de cinéma, plein de films. Ah c'était, oui, ça n'a rien à voir avec le mois de septembre du coup, là. C'était chargé. C'était assez chargé, oui. Donc vous le, ressentirez sûrement au niveau du programme, je pense que ça sera un petit peu plus long, voilà. Mais on essaye toujours de rester dans le temps. Donc je commence avec le sommaire, donc le Vidéoclub Movies Nerd sur le film The Game, nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes du mois. On aura aussi le film du mois sur Gone Girl, l'agenda cinéma Movies Nerd, l'abondance du mois, et ce sera déjà malheureusement la fin, mais on a un programme assez chargé, donc on va pas trop traîner dans l'introduction, et on va commencer directement. Should I loan you my car? I want to rent a movie. You want to rent a movie? I want to rent a movie. What's that for? You work in a video store. I work in a shitty video store. I want to go to a good video store so I can get a good movie. Bonjour et bienvenue au Vidéoclub Movies Nerd. On est donc au Vidéoclub Movies Nerd. Eddy nous a quittés puisqu'il n'a pas vu le film. Honte à lui. Voilà. Donc, on va parler ce mois-ci de The Game avec Quentin, entre fans de Fincher. Et je vais vous rappeler vite fait les informations sur le film et après on est parti directement pour notre critique. Donc la réalisation, comme je l'ai dit, est de David Fincher, le scénario est de John Brancato, Michael Ferris, et les acteurs principaux sont Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, James Redhorn, Peter Donat. Le film est sorti en 1997 aux États-Unis. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je te laisse, Quentin, dire ce que tu as pensé de ce film. D'accord. Donc, moi, j'avais vu The Game. C'était vraiment un film dont j'avais jamais entendu parler. C'était vraiment en regardant dans la film, dans la film. Genre, je pense que tu as pu comprendre pourquoi je trouvais ça intéressant de prendre The Game en comparaison avec Gone Girl. Parce que voilà, il y a ce côté. Ce côté jeu, on retrouve dans les deux films par rapport au personnage de Amy qui laisse des indices pour l'anniversaire de mariage. Ouais. En Gone Girl, et là, les indices laissés par l'entreprise dans laquelle a été inscrit le personnage de Michael Douglas. Mm-hmm. C'est pas mon film sur préféré. Parce qu'il y a quand même une partie un peu longue. Je trouve que c'est vraiment un film qui prend tout son sens dans ses dernières scènes, en fait. Ouais. C'est trop lourd. Enfin, tout le film, à peu près. C'est vrai que j'ai vraiment pu l'apprécier. Mais après, il y a certaines longueurs. Mm-hmm. Mais globalement, c'est quand même un coup de cœur. On voit vraiment la patte de Fincher derrière tout ça. Bon, je sais que c'est pas. Il regrette un peu l'avoir fait. J'avais lu ça. Dernièrement, elle a sorti de Gone Girl et c'est parce que sa femme lui avait déconseillé de le faire et il a dit récemment qu'il aurait dû l'écouter parce qu'il regrette un peu ce film. Je vois pas vraiment pourquoi, parce que il y a pas mal de qualités. Ouais, il y en a beaucoup. Enfin, ouais, il y en a vraiment pas mal. Donc, si tu as fini, enfin, rapidement, je vais quand même dire mes impressions sur le film. Je vois exactement pourquoi tu avais pris ce film. Donc, je lui ai demandé pour dire aux éditeurs quel film il voudrait pour le Vidéo Club Movies Nerd en comparaison avec Gone Girl dans la filmographie de Fincher. Et il est vraiment pile poil, il est vraiment pile poil dans la filmographie et dans le thème de Gone Girl, même si c'est pas la même chose. La réalisation, j'ai trouvé super millimétrée, comme d'habitude avec Fincher, hein, c'est maîtrisé de bout en bout. Les acteurs, Michael Douglas, il interprète parfaitement son rôle. On ressent vraiment la descente aux enfers de son personnage dans sa façon d'agir. J'ai trouvé aussi que Sean Penn était parfait dans le rôle de son ancien frère accro aux médicaments. Et on vit vraiment le doute. Du personnage de Michael Douglas, à chaque fois qu'il rencontre un nouveau personnage, en ne sachant pas s'il est impliqué ou pas dans le jeu, grâce à une très bonne direction des acteurs, toujours de la part de Fincher, il nous a habitués à un certain niveau et il reste dans son niveau. Concernant le scénario, le point où je pourrais comprendre où il regrette un peu de faire le film, d'avoir fait le film en fait, c'est sur les 5 dernières minutes, j'ai pas été vraiment. En fait, le film c'est vraiment une montagne russe qui arrête pas de monter, vraiment en suspense, mais les 5 dernières du film, 5 dernières minutes du film, je vais pas les spoiler bien sûr, mais je trouve qu'elles étaient un peu décevantes et qu'il aurait pu mieux amener ça. Mais sinon, le film dans son entièreté est vraiment très très bon. Et puis la musique aussi excellente. Moi j'ai vraiment apprécié. J'ai vu le film pour la première fois hier. J'ai pas perdu 129 minutes, il dure le film. Et j'ai pas perdu mon temps à le regarder parce que c'était vraiment un très très bon film. Et c'était un des derniers Fincher que j'avais pas vu. Donc voilà. Merci Quentin de me l'avoir recommandé. Je suis assez d'accord avec toi pour les 100 dernières minutes. C'est vrai que. Voilà, elles sont un peu en désaccord avec le ton du film en général. Mmh. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une fin plus, enfin, à une autre sorte de fin. J'ai trouvé que c'était un peu trop. En fait, s'il avait coupé avant ces 5 dernières minutes, ça aurait été parfait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, enfin, le message véhiculé prenait son sens avant les 5 dernières minutes. J'ai un peu l'impression que c'était un peu comme s'il était obligé de les avoir mises, quoi. Enfin, c'était un peu comme, On sent la patte du producteur derrière. C'est... Enfin, ouais, voilà, c'est ça. On ressent pas Fincher dans ces 5 dernières minutes. Voilà, c'est ce qui m'a un peu dérangé. D'ailleurs, sur certains points, même dans tout le film, parfois, il y a certains passages un peu obligés, on va dire. Ouais. J'ai trouvé ça assez regrettable. Mais bon. Après, voilà, donc, enfin, ce que j'aime vraiment aussi, c'est qu'on... Un peu comme dans Gone Girl, on est vraiment... Enfin, on est à la place de Michael Douglas. On est pris au piège pendant 2h08, on est pris dans le piège de Sean Penn. Donc, si t'as rien d'autre à dire concernant The Game, Globalement, non. Vraiment d'original, très bien d'ailleurs. C'est, ouais. Jefferson Airplane. J'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, la scène est super belle. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ouais. C'est vraiment les scènes qui m'a marqué aussi. Et puis la chanson prend tout son sens dans le film en fait. C'est assez bien amené aussi. Voilà. On vous le conseille vraiment si vous n'avez toujours pas vu ce film de Fincher, même si parlez-nous-en de ces 5 dernières minutes si vous l'avez déjà vu ou si vous allez le voir. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. On a fini et donc on passe tout de suite à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes du mois. Les coups de cœur, coups de gueule et découvertes cinéma de l'équipe Movies Nerd se trouvent dans cette rubrique. C'est parti. On est donc à la rubrique coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Quentin nous a quittés, mais je suis toujours avec Eddie. Et donc, on va parler de deux coups de cœur qu'on a eus. D'abord, je vais laisser Eddie parler de son film. Et puis après, je vais parler du mien. Et Eddie va aussi intervenir puisque... c'est aussi son coup de cœur, voilà. Donc Eddie, vas-y, je te laisse la parole. Alors moi, j'ai décidé de parler de Maléfique, le dernier gros film de Disney, dont je reviens dessus parce qu'il est sorti en Blu-ray au mois d'octobre. et que je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé le film et que le Blu-ray est très très bien comme tous les Blu-ray Disney. Ouais. Ça c'est par contre c'est alors juste un aparté là-dessus, Blu-ray franchement Blu-ray. Les Disney les Blu-ray voilà. Disney sont toujours excellents au niveau qualité. Ah mais les Disney c'est vraiment ouais. Pour ça c'est des pros hein. C'est vrai qu'ils font peut-être des films parfois qui sont assez passables, mais alors ouais. En ce qui concerne les masters au niveau Blu-ray, c'est génial. Ouais, ils font ouais. Des trucs vraiment de qualité, que ce soit l'image, le son ou donc voilà. Même moi qui n'ai pas de Blu-ray, j'ai pu en voir 2-3 chez des amis et c'est vraiment impressionnant au niveau de la qualité. Voilà. Et donc Maléfique, oui, pour ceux qui hésitent peut-être à l'acheter en Blu-ray, qui ont aimé le film et qui hésitent peut-être à l'acheter en Blu-ray, bah, n'hésitez pas franchement parce que non seulement le film, c'est le mec qui fait le film, il me semble qu'il a été designer sur Avatar. Ah ouais? Donc, ouais. Ah oui, bon, c'est pas. C'est pas son premier film hein. À Robert Stromberg et. Et du coup, lui, avant, il travaillait plus dans la technique. Et il me semble qu'il a travaillé chez Cameron pour Avatar. D'accord. Il serait que quand tu vois le film, ça se sent tout le côté un peu fantasy avec la lande et les petites fées, les lutins, les trolls et tout. C'est un côté très. C'est un côté un petit peu cheap, ouais. Mais c'est ce qu'on recherche aussi en fait là-dedans. Et c'est vrai que c'est très fouillé comme Avatar, t'as un petit côté Pandora sans les monstres à six pattes et tout ça, mais tu sens oui vraiment que c'est un mec qui est issu de ça et qui a porté beaucoup d'attention à ce que l'univers soit bien développé. Donc ça, bon, bah déjà premier point, ça c'est agréable, c'est un film qui est beau ouais. Visuellement. Est-ce que, juste une question, est-ce ouais. que puisque c'est issu de l'univers Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, ah non, pas du tout. C'est la Belle au Bois Dormant. Ah non. Ok, bon alors ma culture Disney est à revoir, mais. Donc, c'est ici la Belle au Bois Dormant, voilà. Voilà, c'est ça. On coupera ça. Non, on coupera pas parce que c'est marrant. Donc, oui, voilà. C'est ici la Belle au Bois Dormant. Et donc, est-ce que ça rajoute quelque chose à l'univers ou c'est complètement. Alors, c'est. Est-ce que ça rajoute quelque chose Moi, je dirais pas ça. Je dirais plus que La Belle au Bois Dormant et Maléfique, ce sont des histoires qui se complètent. Parce que voilà, Maléfique, de quoi ça parle? Donc, c'est un film sur un antagoniste de chez Disney, donc l'un des plus connus, ouais. Sur Maléfique, comme l'indique le titre. Oui. Et Maléfique, dans le film de 58 ou de 56, je sais plus, fin des années 50, ouais. De chez Disney, elle est présentée comme une sorcière, une. Enfin, on croit que c'est une sorcière, mais à la base, dans le conte, c'est une fée en fait qui a mal oui. tourné, et donc qui va jeter une malédiction sur la jeune princesse qui vient de naître. Mais elle est fondamentalement mauvaise. Enfin, elle est vraiment habitée par un désir de faire le mal et tout ça. Et voilà, le film est très bon. Évidemment, c'est un Disney de la vieille époque, donc c'est très manichéen, mais à l'époque, les gens, c'est ce qu'ils recherchaient aussi. Qui est très très bien, moi c'est l'un de mes préférés, ouais. Que je trouve très très beau, et visuellement c'est très intéressant, c'est leur premier film en scope à ouais. Disney. Mmh. Et c'est vrai que même au niveau de l'animation, t'as l'impression vraiment de voir des enluminures médiévales et tout, moi j'adore ça, je trouve ça vachement ouais. intéressant. Ouais. Et donc là, avec Maléfique Cru 2014, Disney choisit de revenir sur l'un de ses méchants emblématiques. Ouais. Et comme ça leur permettait de ramener un petit peu de monde aussi pour la saison d'Halloween au ouais, Disneyland. Tant et qu'à faire. Voilà, bah en même temps, c'est une entreprise qui tourne bien, hein, Disney. Bah oui, hein. Ouais. Ils n'ont pas trop de soucis à ah, se faire. Ah, il n'y a pas de soucis à se faire. Hein, voilà. Et donc, le film revient sur ça et nous parle de Maléfique. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le film se déroule en trois temps. Alors, ça se déroule. Le but du film, c'est de créer un passé au personnage de Maléfique. De nous parler de son présent, donc au même moment que dans le film des années 50, là où se tient ouais. le conte, et après d'imaginer possiblement comment les choses vont se passer à partir de là. Donc au début on n'est pas ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que c'est pas une version live de La Belle au Bois Dormant. D'accord. Ouais. Et je pense que voilà, Quentin par exemple a pas aimé. Parce que je pense que c'est à ça qu'il s'attendait ouais, en fait. D'accord. Il s'attendait à une version live de La Belle au Bois Dormant, mais du point de vue de Maléfique. Mm. Alors, on est tout le temps du point de vue de Maléfique, ouais. mais le film, c'est plutôt une relecture ou une variation, si on veut, ouais. À travers ce personnage-là. C'est une variation complète du conte qui, moi, m'a plu, qui m'a vraiment surpris en salle, parce que moi aussi, je m'attendais à à quelque chose d'un peu sombre, un peu à la Blanchette et le Chasseur, mais en moins sombre parce qu'on est chez Disney. Et je m'attendais vraiment à un truc comme ça où Maléfique serait le personnage principal, mais qu'on allait suivre une méchante, quoi. On allait être au point de vue d'une méchante, et c'est ce qui rendait le film intéressant, parce que pour une fois que Disney prend des risques. Donc là, évidemment, il y a des gens qui ont été très déçus parce que le film va pas totalement dans ce sens-là. C'est vrai que Maléfique est mauvaise, mais on va voir, voilà. Mais je ferai une petite partie spoiler pour ça, parce que sinon j'en dévoile trop. Alors que dire, bon, c'est très hollywoodien. C'est sûr, c'est pas. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je reconnais parfaitement que c'est pas un film énorme. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est un film qui montre que ça y est, Disney, ils sont entrés dans une ère où ils parlent des femmes. Alors, ils le font depuis des années, mais ils ont toujours parlé de femmes, Disney, que ce soit Blanche-Neige, oui. Cendrillon, Aurore de La Belle au Bois Dormant, La Petite Sirène et compagnie. Mais c'est vrai que ça a toujours été. Les demoiselles en détresse. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Ça a toujours été des princesses un peu cruches, un peu potiches, attachantes. Parce que ça, c'est la patte Disney. C'est vrai que c'est des personnages un peu bêtes, mais tu t'y attaches. Ouais. Alors qu'ici, c'est un film qui prend tout ça à contre-pied. Un peu comme le faisait Réponse, un peu comme le fait La Reine des Neiges, et un peu comme va le faire d'autres films qui vont sortir, à ce que j'ai vu sur Internet. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils prennent à contre-pied tout ce qu'ils ont fait pendant des années avec ces nouveaux films qui viennent de sortir. Et Maléfique, c'est un peu le condensé de tout ça, parce que d'un côté, tu as la princesse Aurore qui est pratiquement plus cruche que dans le dessin animé. Alors la princesse Aurore joue à des petits oiseaux, je suis contente, mais Marine la bonne fée et tout. Bon, ça c'est. Mais en même temps, tu sais que c'est ça choque pas. Oui, puisque c'est la même chose que dans le dessin animé, quoi. Mais voilà, c'est ça, et c'est aussi ce qu'on cherche aussi, je pense. Enfin, moi en tout cas. Oui. Et d'un autre côté, tu as Maléfique qui est un personnage beaucoup plus sombre. Et qui, elle, pour le coup, représente la femme qui avance, qui réfléchit, qui pense, la femme qui a été trahie, la femme qui a mal. Enfin, c'est intéressant, je trouve, de montrer ça. Et on le voit très bien aussi, par exemple, dans La Reine des Neiges. C'est La Reine des Neiges, c'est deux sœurs, mais l'un des personnages principaux, c'est quand même censé être l'antagoniste de l'histoire au départ. Oui, oui, oui. Donc je trouve ça intéressant que Disney se focalise un peu là-dessus, parce qu'ils sont capables de faire des choses bien, et moi je trouve que Maléfique est bien là-dessus, parce que justement ils prennent des risques, parce que pour faire une relecture de conte comme ça, franchement, fallait oser, surtout que c'est vraiment l'un de La Belle au Bois Dormant, je veux dire, c'est l'un de leurs films les plus emblématiques quand même. Ouais, c'est un de leurs classiques indémodables. Ben voilà, c'est ce qu'ils appellent les éditions chefs-d'œuvre ou je sais plus quoi. Ouais. Et là, c'est vrai que ce qu'ils en font, c'est pas étonnant que ça ait pas plu à tout le monde, mais c'était audacieux, et franchement, ils ont été au bout du truc. Il y a peut-être des petites erreurs qui subsistent par-ci par-là, mais franchement, je trouve que ça se tient, et que le film est vraiment intéressant dans ce qu'il raconte. D'accord. Alors, en termes de relecture, il y a une vraie recherche. C'est un film à la gloire de la femme, ça c'est sûr, ça c'est indéniable, c'est peut-être un petit peu trop appuyé, mais il faut, je pense, prendre de la distance vis-à-vis de cette histoire et de ce que le film propose. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est un film sur les apparences, mais aussi sur l'amour maternel. Et alors moi, je ne m'attendais pas du tout à ça en voyant le film. Mais là, du coup, je vais passer dans une partie spoiler. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une relecture intéressante, que c'est visuellement très beau, que c'est divertissant, qu'au niveau des maquillages et des costumes, c'est extra. Angelina Jolie, ils ont vraiment trouvé l'actrice pour faire ce rôle-là. Enfin, moi, je suis complètement fan d'Angelina Jolie, donc je ne pouvais pas, de toute façon, de pas aimer ce film. J'adore les relectures de contes. Ouais. Je suis en général très friand de ce que peut me proposer Disney, et je suis fan absolu d'Angelina Jolie. Donc j'étais déjà très emballé au départ, c'est et le film pour m'a toi, surpris. Quoi. Ah mais voilà, c'était vraiment écrit pour moi. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'au niveau des interprétations, c'est juste. C'est sûr que c'est pas la meilleure interprétation de Elle Fanning, qui est par exemple beaucoup plus intéressante, je trouve, dans le film Somewhere de Sofia Coppola. Ouais, oui. Et le Coppola un peu mineur, mais bon, moi j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très bien Oui, très là-dedans. bien, oui. Elle est très touchante. Angelina Jolie, elle est d'une rare délicatesse. On l'a rarement vue comme ça. Et c'est très agréable de voir qu'elle est capable d'insuffler beaucoup de choses à un personnage comme ça, aussi tiré à quatre épingles, aussi caricatural. Donc voilà, c'est très intéressant là-dessus. Alors maintenant, spoiler. Vous entrez maintenant en zone spoiler, donc si vous ne voulez pas spoiler sur le film Maléfique, dont Eddie va vous parler plus en détail dans ces prochaines 5 minutes, avancez jusqu'à la minute 25, minute 56, et vous ne serez pas spoilé sur le film, voilà. Donc Axel va vous mettre un petit Voilà. timecode Je vous normalement ai... pour Normalement, je que... vous ai mis un petit truc en post-prod pour vous dire d'avancer, voilà. Voilà. Alors, pourquoi je viens sur les spoilers? Parce qu'il y a quelque chose qui a choqué beaucoup de monde au niveau du film, c'est que le personnage s'appelle Maléfique. Alors, dit comme ça, c'est un peu bête, Ouais. mais ce qui a choqué les gens, en fait, c'est que si tu veux, au début du film, je sais pas, tu as envie de le voir ou pas le film? Pas spécialement, vas-y, tu peux y aller. Donc ouais, au début du film, donc on nous présente Maléfique lorsqu'elle est une enfant et qu'elle règne avec les trois autres fées sur la lande, donc qui est tout l'univers magique, fantasy, avec les trolls, les lutins, les fées et compagnie. Et donc elle nous est présentée bon, comme une fée, mais vraiment déjà comme une petite fille, tu vois, quelqu'un d'humain qui pense, qui réfléchit. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais elle s'appelle déjà Maléfique. D'accord. Alors qu'elle est fondamentalement bonne au début. Ouais. Et c'est ce que le film nous raconte. Le film nous raconte ensuite que bon, elle a été trahie, donc c'est pour ça que son cœur s'est changé en pierre, son âme est devenue noire, et c'est ce qui la pousse aussi à maudire un enfant qui ne lui a rien fait. Elle est trahie D'accord. par le roi Stéphane, donc qui est le père de Aurore, qui va lui voler ses ailes Il va lui voler ses ailes justement pour devenir roi, parce que le roi actuel est mourant. Et donc Maléfique n'accepte pas ça du tout. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ce personnage que l'on croit fondamentalement mauvais, en fait, c'est juste une femme bafouée. Et le film, ensuite, va dans... C'est pour ça que je parlais d'amour maternel, c'est parce que du coup, petit à petit, la suite de l'histoire... On va revivre un peu la Belle au bois dormant, mais du point de vue de Maléfique. Maléfique, en fait, va se rendre compte que ben, ce qu'elle a fait, c'est complètement insensé. Ce qu'elle a fait, elle a maudit un enfant qui ne lui avait rien fait. Et elle va se rendre compte qu'en fait, cette petite, là, qui grandit sous ses yeux, elle est pas, ben, elle est pure, elle a rien fait de mal. Et Maléfique, elle va avoir un peu une figure de maman. Et moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que ils ont pris Angelina Jolie pour faire ça. Parce qu'Angelina Jolie, dans la vie de tous les jours, enfin telle qu'on la connaît, dans les interviews et tout ça, c'est quelqu'un de très engagé dans tout ce qui est humanitaire et sur les pays défavorisés. Et c'est une femme qui a fait de la, qui a adopté des enfants. Et c'est vrai Oui. qu'elle a vraiment cette figure, je trouve, de maman déjà, Ouais, en tant que femme. Pas forcément en tant qu'actrice, mais en tant que femme. Et je trouve ça vachement bien qu'il l'ait pris pour ce rôle-là. Parce que du coup, c'est vrai que la relecture propose vraiment... Elle propose vraiment de la montrer aussi comme une figure maternelle dans le film. Donc moi personnellement, ça m'a plu de montrer que bah, elle n'est pas forcément mauvaise et que c'est vraiment l'histoire qui l'a poussée à faire des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Disney, non seulement ils font un film un peu à la gloire de la femme comme ça, enfin même totalement, et ils font aussi un film où leur antagoniste principal se remet en question. Donc ça veut dire qu'on brise quand même les on brise quand même les barrières du manichéisme là-dedans. Alors là-dessus, moi je trouve que c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut porter à confusion. Moi, je me suis fait une espèce de théorie là-dessus, mais il y a quelque chose que la plupart des gens n'ont pas compris et les reprochent au film. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est assez ambigu, c'est que comme je le disais, le personnage s'appelle Maléfique tout le long du film. Au début, elle est bonne, hein, c'est une fée comme les autres qui veille sur la lande, qui veille à ce que tout se passe bien. Et après, son cœur se change en pierre quand elle est trahie. Et à la fin, quand elle est plus ou moins, quand elle redevient bienveillante, elle s'appelle toujours Maléfique. Et c'est vrai que les gens disent, ouais, mais ça colle pas, parce que Maléfique, c'est quand même, c'est un mot qui désigne quelque chose de mauvais, donc on peut pas appeler un personnage qui est bon au départ, mauvais au milieu et bon à la fin, on peut pas l'appeler Maléfique tout du long. C'est vrai que ça peut porter à confusion, mais moi je pense qu'en fait, vu que c'est un film qui joue sur les apparences, parce que Aurore en fait va se rendre compte que ce personnage effrayant avec ses cornes et ses pouvoirs un peu ténébreux comme ça, en fait va se rendre compte que c'est quelqu'un qui a du cœur. Et je pense que le mot maléfique, parce qu'on est quand même dans l'univers du conte, et je pense que le mot maléfique n'est qu'un mot, et c'est pas un adjectif ici. Ouais. Ça pourrait être son prénom, comme si elle s'appelait Michel ou je sais pas moi. D'accord. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc en fait je pense que la vraie raison elle est là, c'est que c'est pas maléfique, c'est pas pour désigner quelque chose de mauvais. Peut-être à travers le film ça peut donner un sens au mot maléfique du coup ce qui se passe. Mais à la base je pense que c'est juste un prénom comme un autre, c'est ce qu'ils ont voulu un peu faire passer et du coup ça permet encore d'appuyer un peu plus. Le message sur les apparences avec ce personnage que tout le monde pensait mauvais, même en tant que spectateur, on le pensait mauvais dans la bande-annonce, et en fait, on va se rendre compte qu'elle est, et pas qu'elle est ultra sympathique, mais c'est quelqu'un de. C'est un beau personnage, et c'est vrai que c'est un beau personnage, je trouve. Ils ont bien su l'écrire. Vous sortez maintenant de la zone spoiler et maintenant c'est la suite de la critique d'Eddie sur le film Maléfique. Sans les spoilers, c'est parti. Donc voilà. Okay. Donc fin du spoiler. Ouais. Donc, Et sinon, dernier petit truc, en termes de mise en scène, c'est assez classique. Il y a des bons moments d'héroïsme. Le film est assez court. Moi au début j'avais peur parce que je me disais pour un personnage comme ça, faire un film d'une heure et demie, c'est peut-être juste. Ouais. Et finalement, non. D'accord. Il couvre assez l'histoire, c'est pas... Ouais, ça couvre bien l'histoire, ça explore des trucs intéressants. Quentin, je sais qu'il a trouvé que ça allait un peu vite, lui. Moi, ça m'a pas gêné plus que ça. Ce qui est génial, c'est que Robert Stromberg s'amuse aussi à reprendre des plans iconiques qu'on voit, qu'il y avait dans le dessin animé. Ah oui, d'accord. Genre la scène du baptême avec lorsque Maléfique maudit Aurore, c'est exactement la même mise en scène. Et là, Angelina Jolie, elle a une classe impériale parce que t'as vraiment l'impression de revoir le dessin animé. Et donc c'est pour ça que c'est pas une version live, mais ils ont gardé des petits trucs comme ça pour quand même rendre hommage au conte original tout en le racontant d'une manière différente. Donc voilà, moi je trouve que c'est une belle relecture et la musique très très bonne. La musique de c'est James Newton Howard, je pense, il me semble. Et là, on est habitué à ce qu'il fasse du bon boulot, et c'est vrai qu'ici, il est très très bien, encore une fois, il fait un très bon job. Donc voilà, un divertissement sympathique de la part de Disney, assez audacieux, et moi, je salue cette audace, je suis content de ce que j'ai vu. Ouais. Voilà. Même si je ne l'ai pas vu, j'aime bien cette nouvelle vague de Disney, où ils osent plus de choses que de rester cantonnés dans leur petit... Mais c'est ça, c'est vachement intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'une firme comme ça, qui depuis des années, des années, des années, te fait bouffer de la princesse cruche, attachante mais cruche, qui est toujours aidée, genre Cendrillon, c'est Marraine la Bonne Fée qui l'aide, ou Aurore, c'est pareil, c'est ses marraines, et Blanche-Neige, c'est les nains, donc elles ne font rien par elles-mêmes en fait, ces princesses-là. Ouais. Et ici, Maléfique, bon, elle est, dans un sens, elle va avoir un lien avec Aurore aussi, dans le film, mais c'est... Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est que Maléfique, il la présente vraiment comme un personnage fort. Et pas seulement fort parce qu'elle a des pouvoirs et qu'elle peut faire un peu tout ce qu'elle veut, mais elle est forte parce qu'elle réfléchit, parce qu'elle pense et parce qu'elle éprouve des choses. Et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant de la part de Disney, en fait. Donc moi je trouve que cette tournure qu'ils ont pris, c'est bien et j'espère qu'ils vont continuer. Ouais. Ouais. Franchement. Bah moi aussi, puisque leur prochain film a l'air intéressant, hein. C'est quoi dans le titre? Alors il y a Big Hero 6 qui va sortir, donc là bon, qui sera pas sur la femme, mais c'est bien aussi qu'il fasse pas que ça, parce qu'on a eu La Reine des Neiges l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé moi personnellement. Moi aussi. Qui était vraiment très très bien, et parce que t'avais vraiment, avec La Reine des Neiges, j'avais vraiment la sensation de revoir un vrai grand classique, et à l'ancienne. Et là, donc Big Hero 6 qui est plus centré sur l'univers des super-héros, donc il y a un lien avec Marvel, hein, il me semble. Oui, je crois, ouais. Et non, le prochain long métrage qui est prévu et dont on a juste un petit synopsis très court pour le moment, ça se passera sur les mers océaniques en Australie. Mm-hmm. Les mers océaniques du continent, hein, de l'Océanie. Ouais, hein, ouais. Pas les... C'est un peu con ce que j'ai dit, les mers ouais, océaniques, mais. Non, c'est. Très fort en géographie. Bah attends, je me suis trompé sur Blanche-Neige. Sur Blanche-Neige, tu peux bien te tromper sur un film. Oui, voilà, ouais. Hein. Et non, et ce sera un film plus. Ce sera sur une héroïne qui va parcourir l'océan un peu comme ça à la recherche de quelque chose. Donc pour le moment, c'est assez vague. Ouais. Et c'est bon, voilà, ils remettent une héroïne en avant et. Bah, ouais. Moi, de toute façon, c'est Disney, donc je demande à voir. Je suis. Toujours bon client. Ah oui, moi je suis tombé dedans de toute façon, voilà. Donc je suis pris dans l'engrenage de chez Disney. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ben on va passer à notre coup de cœur, enfin mon coup de cœur, mais c'est un coup de cœur partagé. Oui, complètement. C'est pas la même ambiance qu'un Disney. C'est autre chose. Ouais, du coup, ben bon, vous savez sûrement, ce qu'on a choisi c'est Mommy. Donc le dernier film de Xavier Dolan, qui est sorti en 2014, qui a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes et qui a reçu le prix du jury. Et qui n'a pas eu la Palme d'Or, mais Xavier Dolan a fait un discours comme s'il avait eu la Palme d'Or. Voilà, mais c'était très bien quand même. Mais c'était un très beau discours. Et oui. Ça, moi j'emmerde tous ceux qui pensent le contraire, moi je trouve que c'était un très beau discours et qui très inspiré et très vrai, je trouve. Ouais, ouais. De son jeune âge, sortir des trucs comme ça, je trouve que c'est bien. C'est quelqu'un, ça prouve que c'est quelqu'un qui est pas bête et qui sait ce qu'il fait. Oui. Bah, avec ce film, il le prouve encore. Aussi. Donc, je vais vite raconter mon passé avec Xavier Dolan, on va dire. Ouais. C'est que je n'avais vu aucun de ses films et donc, avant d'aller le voir, Eddie m'a conseillé de voir J'ai tué ma mère. Et du coup, ben, je l'ai vu un ou deux soirs avant d'aller voir Mommy. Et après, j'ai vu Nos amours imaginaires. Et après, ben, j'étais dans l'engrenage. Oui. Et du coup, ben, j'ai vraiment adoré tous ces films sur différents points. Mais on va dire que c'est pas la même chose. Chacun de ces films, j'arrive pas à m'exprimer, c'est bizarre. Mais sur ces films, parce que c'est tellement... ça m'a tellement marqué, tellement touché que j'ai vraiment du mal à. Mais il a une patte bien à lui. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il traite. Il y a quelque chose, il y a une thématique qu'on trouve beaucoup dans ses films, c'est quand même l'homosexualité mère. Et oui, la mère aussi. Ouais. Ça, c'est des. Bah, les portraits de femmes, de toute façon, c'est ce qui l'intéresse. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent ça, mais après, il traite des sujets différents. Je veux dire, quand il te parle de Laurence Anyways, tu te dis. Moi j'ai été bouleversé par ce film. Oui, quoi. J'ai trouvé ça magnifique. C'est pareil. Hein, chacun de ces films est différent, mais en même temps c'est à chaque fois un nouveau. J'arrive pas à trouver les mots, c'est bizarre. J'arrête pas d'y repenser. Mais c'est pas forcément une nouvelle claque à chaque fois. Voilà, mais c'est que à chaque fois tu as un truc qui te fait, qui te dis, mais de toute façon on peut pas nier que ce mec a du talent de toute façon. Oui. Ça, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est quelqu'un qui sait tenir une caméra, qui se regarde un peu filmé parfois, c'est vrai. Ouais. Il a un côté assez prétentieux et il aime ça de toute façon. Ouais, mais. Mais voilà, c'est quelqu'un qui. C'est un auteur, quoi. Mmh. Ouais. Donc. Donc, du coup, ben, on va parler un peu de Mommy. Donc, je vais d'abord vous donner mes impressions sur le film, même si je pense que vous avez compris que j'étais déjà dans le film même avant de l'avoir vu. Du coup, la réalisation, j'ai trouvé très impressionnante. Les valeurs de cadre, elles étaient choisies vraiment avec minutie. Il s'est rajouté en plus une difficulté, on avait parlé dernièrement avec le fait de filmer en 4 tiers. Ce qui est encore plus impressionnant. C'est même pas du 4 tiers, c'est que c'est du 1x1, c'est un carré. Ouais, voilà, c'est un carré. Laurence Anyways était en 4 tiers. Ouais. Mais c'est vraiment un carré, on a l'impression d'être emprisonné dans le film, mais c'est voulu. Et le choix de la 4 tiers n'est pas juste un choix artistique qui ne sert pas à grand chose, comme je l'ai lu souvent dans quelques magazines. Non, c'est pas pour dire je sais faire du cinéma et je fais du 4 tiers. Non, c'est pas juste pour ça. C'est la réalisation qui sert l'histoire, et l'histoire elle sert vraiment la réalisation dans un équilibre quasi parfait. Ce qui est d'autant plus impressionnant, comme on l'a dit avant, que Dolan n'a que 25 ans. et qu'il réalise déjà comme quelqu'un qui a été sur les plateaux de tournage durant toute sa vie. Ça doit être rageant pour tous ceux qui essaient de percer, qui arrivent. Oui, c'est pas. Ça. Je pense ça. Que c'est pour ça qu'il est pas trop aimé en fait par certaines personnes. C'est parce que du coup c'est il y a peut-être une petite part de jalousie. Ouais, c'est sûr, mais et puis juste pour sa réalisation, je suis vraiment très impatient de voir ses prochains films, ses prochaines créations. Parce que je pense qu'il réussira toujours à nous étonner, même si, enfin, bon, on va pas dire toujours parce que on n'est pas l'abri d'une mauvaise surprise. Ah bah non, tout le monde peut, peut se planter. Hein. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, moi, j'ai toujours été convaincu par sa réalisation. Bah, moi, par exemple, j'ai été moins convaincu par Tom à la ferme. Ouais. Que toi, tu as adoré. J'ai adoré. Ouais. Mais moi, je suis moins convaincu. Pourtant, j'aime beaucoup Xavier Dolan, mais c'est vrai que Tom à la ferme, je le trouvais moins à l'aise sur ce terrain-là, quoi. Oui, je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il était pas, il maîtrisait pas encore trop. Il maîtrise très bien tout ce qui est intimiste et tout ça. Voilà, c'est ça. Mais là, c'était un peu plus thriller, action ou thriller. Ouais, c'était pas encore trop sa cam. Et là, s'il en refait un jour, on verra bien. Mais voilà. Mais bon, c'est très bien qu'il fasse des trucs qui différents. Qui donne des avis partagés parce que bon, c'est quand même quelqu'un. Faut se dire, il a 25 ans et il a pas, c'est un autodidacte, il a pas fait école de cinéma. Donc il est issu d'une famille d'artistes, mais quand même, il faut aussi qu'il prenne son temps et je pense que il faut que ça mûrisse quoi. Mais pour le moment, je trouve que ce qu'il fait à son âge, c'est convaincant. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Je vais parler rapidement des acteurs. Donc on va dire qu'il y a vraiment un trio d'acteurs sur lequel le film est concentré, bien que tous les autres acteurs sont bons dans la majorité des cas, mais on les voit pas autant que ces trois acteurs, donc Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon et Suzanne Clément. Anne Dorval et Suzanne Clément qu'on retrouve dans pas mal de ses films. Anne Dorval dans J'ai tué ma mère et Suzanne Clément aussi dans J'ai tué ma mère. Et Les Amours Imaginaires. Les Amours Imaginaires, très court, mais on la retrouve. Mm-hmm. Et après, dans Laurence et Nouet, Suzanne Clément, Anne Dorval. Anne Dorval, je crois, mais pendant une toute petite scène, une micro-scène. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Une scène de pub, je crois, où elle pose. Tom à la ferme, il n'y a plus personne. Non, Tom à la ferme, voilà, c'est son premier film sans ses muses fétiches. Voilà. Du coup, et Antoine-Olivier Pilon qui l'avait dirigé dans un clip d'Indochine qu'il avait réalisé. Excellent ce clip. D'ailleurs, je l'avais revu il y a pas longtemps et vraiment encore impressionné par. Âme sensible, ça se tenir, mais. Oui. Très. Ça montre que. Ça montre bien ce que ça veut montrer. C'est ça. Voilà. Les acteurs. Ils sont tous les trois parfaits dans leur rôle. On a vraiment un attachement émotionnel aux personnages dès qu'on les rencontre. Et on vit avec eux leur bonheur et leur malheur comme si on était à leur place. Les personnalités des personnages sont vraiment très fortes. Et par des acteurs de talent. Et on est vraiment obligé de s'attacher à eux et de les supporter, non pas de les supporter, je cherche un autre mot, mais je n'arrive pas à trouver un autre mot. On aime les regarder jusqu'au bout, même si on verra bien ce que ça donne, mais. Voilà. Oui, si je vois ce que tu veux dire. On les suit à la fois avec plaisir, mais aussi parfois avec crainte, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'histoire qui est vraiment. Excellente en tout point, moi j'ai pas trouvé une seule fausse note. On est pris par le film durant les 134 minutes et après ça file à toute blinde et on ressort du cinéma avec la boule aux gorges. La boule au ventre. Boule aux gorges. Je sais vraiment pas parler aujourd'hui. On dirait que j'ai. Placé, hein. Non mais. On dirait vraiment que j'ai bu avant de faire tout. Alors que c'est pas vrai en plus. Je bois juste un café, c'est tout. Du coup, ouais, la boule au ventre et les larmes aux yeux. Et donc, moi, j'ai vraiment pensé que quand je suis ressorti de la salle, j'ai vraiment vécu une incroyable expérience cinématographique comme on voit peu de nos jours, en fait. Mais ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien, même si on n'est pas vraiment à l'aise, mais... Ah, mais de toute façon, il faut qu'on soit pas oui, à l'aise. C'est ça. C'est ce qui est fort, en fait, dans le film aussi. Ouais. Et du coup, ce qui reste, c'est la musique. Point très particulier chez Dolan. Il nous fait aimer ce qu'on n'écouterait pas, d'habitude. Pour moi, par exemple, c'est du Dalida ou du Céline Dion. Maintenant, je suis fan absolu, alors que j'aurais jamais pensé mettre un seul morceau de Céline Dion. Céline Dion, c'est... On a tous entendu du Céline Dion, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à, la... et du coup, à l'entendre ici. Maintenant, on a la scène en tête, et du coup, la musique prend tout un autre sens. Et puis la chanson de Céline Dion qui a été choisie dans le film, elle n'est pas là par hasard. Donc. Oui, voilà, c'est vraiment c'est un sens, les images donnent un sens à la musique, et la musique donne un sens aux images. Et du coup, les BO des films de Dolan sont toujours parfaites, et celle-ci ne déroge pas la règle. Moi, c'est ce que j'ai pensé vraiment. J'ai vraiment adoré la BO, même. Même le karaoké assez pauvrement interprété de Vivo Perley, j'étais à fond dedans. Même si c'était pas. Mais elle est terrible, hein, cette scène. Ouais, elle est vraiment horrible, cette scène, mais. C'est magnifiquement horrible. Oui, c'est ça. On pourrait qualifier le film comme ça, ouais. Ouais. Un peu. Du coup, ouais, j'ai à peu près tout dit, même si je pourrais jamais tout dire. J'ai essayé de résumer mes pensées, même si. C'est assez dur concernant ce film parce que c'était assez dur de choisir un film du mois ce mois-ci, parce que le pire c'est que les deux sont sortis en même temps. Mommy et Gone Girl. Donc de toute façon vous entendrez notre critique plus tard, mais. Mais c'est souvent ça, hein, le mois d'octobre. C'est très difficile. Moi j'en avais parlé et on sait qu'au mois de. Genre l'année dernière, au mois d'octobre, on a eu Gravity et on a eu La Vie d'Adèle l'année dernière. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est tous les mois d'octobre en fait, comme ça, je sais pas pourquoi. Hein. Ils veulent nous foutre des baffes au mois d'octobre, mais c'est bien. Tant que ça continue. Oui. On va pas s'en plaindre. Et si c'est tout le temps des bons crus au mois d'octobre. Du coup, j'aurais jamais tout dit, mais bon, j'ai laissé un peu parler. C'est un peu comme Gone Girl, hein, ça mériterait un podcast entier. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'y vais, c'est bon ? Vas-y, je t'en prie. Donc moi j'attendais beaucoup Gone Girl, comme je l'avais dit dans l'agenda du mois dernier. Mommy, ouais. N'importe quoi. J'en perds mon latin. Ouais. Je l'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup ce que fait Xavier Dolan depuis son premier film. Mmh. Et donc ce film-là m'intéressait parce que le sujet, parce que les acteurs. Et puis je voulais vraiment voir ce que ça allait donner, parce que moi j'aime beaucoup Anne Dorval. Oui. Et donc ici, il fait encore un truc de fou, quoi. Ce mec a une folie douce dans l'écriture, c'est impressionnant. Ce que je trouve assez déstabilisant chez lui, mais c'est pour ça que j'adore ce qu'il fait, c'est qu'il fait des choses simples. Ouais. Parce que c'est une histoire très simple, hein, dans le fond. Hein. Oui, oui. Mais c'est ce qui est fort, je trouve, c'est qu'il utilise des artifices simples, même au niveau de la mise en scène, ce qu'il fait à un moment avec le cadre, sans trop spoiler, c'est tout con, mais ça fonctionne, en fait. Bah oui, parce que dans mes souvenirs, j'ai pas vu un seul film utiliser ces techniques. Et moi, j'ai jamais vu ça non plus. Hein. Ouais, On s'y attend un peu. Dans le film. Oui, on s'y attend, mais c'est tellement beau cette scène, donc. Mais tu t'y attends, mais le film est tellement anxiogène au début. T'es tellement coincé dans ce cadre, et puis ces personnages qui sont coincés en eux-mêmes en plus. Et c'est pour ça que le cadre est si réduit de toute façon. C'est parce que c'est pour symboliser le. C'est là que tu vois que la forme est en accord parfait avec le fond. Oui, c'est que c'est un mec qui a pensé sa mise en scène pour ces personnages-là. Donc c'est sûr que comme ça paraît simple. Et c'est vrai que quand il se passe que le cadre change comme ça, tu t'y attends évidemment. Mais en même temps, tu t'y attends, mais t'as besoin de ça. Ouais. Parce que du coup, sinon, tu pèterais un câble au bout des 2h15 si tu... S'il n'y avait aucun changement. Mais c'est ça. Et donc c'est très intéressant. Et c'est un défi technique, comme on l'a dit. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il pense son cadre en 1x1. Et il faut qu'il le repense autrement aussi. Donc ça veut dire qu'il pense son cadre deux fois dans certaines scènes. Et ça, c'est hyper balèze à faire, ça. Bah oui. Donc c'est pas un amateur, déjà. Ouais. En termes de technique, ça, c'est sûr. Je veux juste rajouter quelque chose. Ouais, du coup, en fait, quand l'image s'élargit, en plus, on a des super plans sur... je sais plus dans quelle ville ça se passe. C'est pas loin de Québec. Enfin, de Montréal. Bah, c'est au Québec, mais... Je sais plus, je crois que ça soit donné, le nom. Ouais, on a des super plans de la ville, enfin de l'environnement, et ça fait vraiment l'impression de s'envoler avec les personnages. Mais c'est ça, parce que tout le film est intimiste pendant ça doit se passer au bout de 45 minutes de film, je crois. Tout le film est très intimiste comme ça, et puis à un moment, voilà, t'as un plan large, et t'as même un plan aérien, et ça te fait... tu souffles, ça fait du bien. Donc il y a beaucoup de lyrisme et d'onirisme, ça on l'a dit, parce que il y a la musique, il y a la musique qui est en accord avec la mise en scène, donc on a Céline Dion, donc là tout un travail assez stylistique au niveau du ralenti, des mouvements et tout ça, qui peut paraître un peu cheap, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais même si c'est moi j'aime pas ces personnes qui tu sais, comme les gens qui te disent le conventionnel c'est forcément mauvais, le manichéisme c'est forcément mauvais, les trucs cheap c'est forcément mauvais, mais non, je pense que chaque chose peut avoir un intérêt, mais dans des contextes différents. Si c'est justifié, c'est... Et voilà, c'est ça. Et ici, ça l'est complètement, je trouve. Ouais. C'est que cette scène-là, encore une fois, ça te permet de... Mais c'est ça. Et en plus, il te fait ça dans des environnements qui s'y prêtent pas. Je veux dire, s'il avait vraiment été prétentieux, il t'aurait pas fait cette scène-là dans la cuisine déjà. Ouais, dans une salle de bal ou dans un... Il t'aurait fait ça dans une salle de bal ou alors en pleine, même en extérieur. Il t'aurait fait ça au bord de la mer ou un truc comme ça. Mais là, non, quoi. Il fait ça dans le quotidien des personnages. Et c'est ce qui est beau, c'est que... C'est ce qui est beau chez lui, je trouve, c'est qu'il a cette capacité aussi à filmer des petits instants comme ça, qui veulent pas forcément dire grand-chose, parce qu'il filme aussi des petits riens, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ces petits riens, nous, on les vit tous les jours, et on n'y prête pas attention, et c'est un mec qui avec des petits bouts comme ça, des petits bouts de films comme ça, enfin des petits bouts de trucs qui l'incruste dans ses films, te fait te remettre en question, et en gros ils te disent profite, quoi. La vie c'est pas qu'un truc où t'as des emmerdes ou des où il t'arrive que de la misère, des choses comme ça. Il y a des moments faut que tu saches profiter, et voilà, évidemment que c'est simple comme procédé et comme message, mais en même temps c'est pas faux non plus. Donc voilà, moi j'ai été complètement séduit par la mise en scène, j'ai littéralement bu la mise en scène. Je pense que j'ai regardé tout le film la bouche grande ouverte. c'est pareil. Hein. Et la personne qui était avec moi m'a dit j'ai bien vu que t'avais aimé parce que t'as fait des commentaires pendant le film, mais je pense que tu t'en es pas rendu compte. Et il y a un moment, j'ai dit mais c'est génial. Et j'ai dit que ça tout fort dans la salle. J'ai profité toute la salle. Mais bon, en même temps, voilà. Quand c'est comme ça, moi j'avais le cœur serré tout le long et. Moi j'ai ri, j'ai pleuré, ce mec est terrible, il m'a retourné dans tous les sens, c'est en jeu de mots bien sûr, sinon c'est vulgaire, mais voilà, il a une capacité d'immersion et de narration très simple mais qui fonctionne, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'artifices, mais le peu qu'il y en a, ils vont peut-être paraître faciles parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui critiquent aussi, hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est simple, oui, mais ça fonctionne. Et ce film, il est bouleversant, il est beau, et ce portrait de femme, quoi, il est flamboyant. Cette maman, ces mamans, parce qu'il y a deux mamans du coup. Ouais. Et voilà, ces personnages sont, on les aime, ces personnages. On a envie qu'ils s'en sortent, on a envie que ça aille plus loin Et c'est parfois déchirant, c'est parfois beau, et puis c'est porté par des acteurs qui sont très doués. Moi, Anne Dorval, je la connais par rapport à la série Le Cœur a ses raisons. Oui. que j'adore, qui est très... ouais. Ah ben complètement, mais qui est très drôle, ouais. et où elle avait comme ça des moments d'exubérance et tout, et ici c'est marrant, je la retrouve un peu comme ça, mais ouais, dans un registre complètement différent, mais c'est, ça prouve que c'est une actrice qui est géniale, et c'est ce qu'elle a dit dans une interview à la télé, c'est ce qu'elle a dit chez Laurent Ruquier, mm-hmm. On n'est pas couché quand ils sont venus. Elle a dit, et d'ailleurs émission qu'on vous conseille si vous n'avez toujours pas vu, ouais, l'interview, si vous pouvez passer celle d'Éric Zemmour, oui, bah, qui se ridiculise complètement, et elle disait que voilà, il prend le risque de me faire jouer moi qui ai 40 ans et il arrive à rendre ça beau, ouais. Et c'est vrai que bah, il va là, le prochain film qu'il va faire c'est un film hollywoodien, ouais. Et le personnage, l'actrice qu'il va prendre pour son film hollywoodien, c'est Jessica Chastain. Ouais. Jessica Chastain qui a un peu le même parcours. Bon, elle est plus jeune que Anne Dorval, mais elle a le même parcours aussi. C'est quelqu'un qui passait la trentaine à Hollywood en général. C'est, tu dégages, quoi. Tu ne sers plus à rien. T'es plus bankable. Et ben là, il fait la même chose, quoi. Donc ça veut bien dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est non seulement les portraits de femmes, mais c'est pas les portraits les plus simples. Et c'est ce que je trouve beau, quoi, c'est qu'il arrive à, Anne Dorval, il y a des moments où elle est filmée dans le cadre, elle est incandescente, quoi. Ouais. Moi je trouve ça, moi ça m'a touché, mais même là en parler, j'ai la gorge nouée, quoi. Ouais, parce ouais, que, c'est pareil. Hein, c'était tellement fort, et moi j'en suis ressorti avec le cœur serré parce que ce que j'ai vu, ça m'a touché. Moi quand je dis que j'ai ri, mais j'ai pleuré, il y a des moments je pleurais de rire tellement le film passe du coq à l'âne comme ça. Ouais, ouais. J'étais tellement touché par ce qui venait de se passer, et puis après t'as des moments comme ça d'euphorie ou de pure liberté au niveau des personnages. Voilà, moi ça, c'est vraiment le cinéma que j'aime voir, et ce film m'a énormément plu. Donc, ouais, ouais. Donc voilà, les acteurs, même le jeune Antoine Olivier Pilon qui est très doué, que t'as envie de baffer au début parce que tu te dis c'est pas possible. Enfin moi j'ai un gosse comme ça un jour, je lui fous une baffe. Et puis Suzanne Clément, quoi, qui est très touchante aussi. Il y a une certaine scène où tu comprends plein de choses, et elle est très forte. Elle était déjà très très bien dans Lawrence Anyways aussi. Et voilà, moi voilà, je suis amoureux de ces personnages, de ce film, et tout. c'est tout ce que j'ai à dire, c'est magnifique. C'est ça, on pourrait pas trouver d'autres mots, en fait on pourrait parler des heures, et en fait en résumé avec un seul mot, c'est comme ça, c'est l'effet momie. Hein, et voilà, c'est ça. Et c'est pas parce que c'est Xavier Dolan et faut arrêter si ça pourrait être, si ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être... James Cameron qui m'aurait fait ça. Oui, bon, ça aurait peut-être été plus compliqué, ouais, c'est moins sa tasse de thé, mais je veux dire, ouais, c'est, dans l'idée, c'est de se dire que ça aurait pu être n'importe qui aurait fait la même chose, moi j'aurais eu le même sentiment. J'aime beaucoup Xavier Dolan, mais c'est pas. Mais voilà, c'est, ce mec a du talent, c'est tout. C'est pas un génie, mais ce film-là est génial, c'est tout. Et voilà, ça mérite des éloges, ça mérite des prix, et. Ouais. Il a pas eu la Palme d'Or à Cannes, mais on espère l'Oscar du meilleur film étranger. Ah bah oui, complètement, oui. Ah oui, en tout cas, moi je l'espère de tout cœur. Il le mériterait vraiment. Ouais. Du coup, bah, on va espérer, on vous en reparlera quand la cérémonie sera passée en 2015, mais voilà. Voilà, donc Mommy, c'est très dur d'en parler sans vous spoiler aussi. On va pas faire 3000 alertes spoilers dans le même podcast parce que sinon... Oh non, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc tout ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est d'aller le voir. Il passe encore au cinéma. Enfin, chez moi, il passe encore. Oui, il doit tenir. Je pense qu'il va tenir un petit moment. Il tient encore assez longtemps, même comme Gone Girl. Du coup, bah... Ouais, c'est même calibre, hein, niveau exploitation, voilà, je pense. Donc profitez-en encore d'aller le voir. Et puis ne soyez pas rebutés par les sous-titres, par les... Mais en même temps, les sous-titres, vous allez être content de les trouver. Oui. Moi qui suis un petit peu familiarisé avec l'accent québécois, sans sous-titres, j'aurais rien compris. Bah oui, parce que c'est vraiment un patois assez spécifique. C'est ça, c'est pratiquement du dialecte. Donc, ouais, sans sous-titres, tu peux pas tout comprendre. Tu peux comprendre certains trucs, mais c'est pas pour dénigrer la langue québécoise qu'en France on a mis des sous-titres. C'est parce que c'est comme si nous on faisait un film en basque. Ouais. ils comprendraient pas, quoi, chez eux. Donc, enfin, même nous, de toute façon. Mais c'est pas juste pour faire genre, on a mis des sous-titres parce que nous, ouais, on a voulu mettre un autre langage. Ce langage qui est utilisé, ça rajoute encore de la force au film. Ouais. Donc non, faut pas être rebuté par ça. Non. Voilà. Alors, je pense qu'on a tout. Enfin, on n'aura jamais tout dit, mais c'est pas grave. Du coup, on va passer. Allez lire les critiques. Ouais, allez lire les critiques. La mienne, je crois qu'elle est la mienne. Quentin et Dédi. Et puis si Quentin a fait une critique, je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr, ouais, c'est vrai. Il me semble pas l'avoir lu. Du coup, allez lire la critique de Dédi pour plus de détails si vous voulez, ou alors allez voir directement le film si c'est encore mieux. Oui, le mieux c'est peut-être encore d'aller voir le film. Voilà, et puis d'après lire la critique. Exactement. Voilà, du coup, nous on va passer au film du mois et on retrouve Quentin pour Gone Girl. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter ? Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. On est donc au film du mois, et ce mois-ci, on est allé voir Gone Girl, le dernier film de David Fincher. Donc je vais vous rappeler un petit peu les informations et puis on va directement vous parler du film après ça. Donc le scénario est de Gillian Flynn, c'est basé sur un bouquin que je n'ai pas lu et je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Moi je suis en train de le lire. Ouais. Okay. Moi je suis un très mauvais lecteur donc... Et de ce que tu en as lu pour l'instant c'est assez... Pour l'instant c'est super fidèle, ouais. Ok. C'est... Mais tout le monde le dit, hein. Ouais. Ouais. Franchement, c'est vraiment fidèle. D'accord. Donc, les acteurs principaux sont Ben Affleck et Rosamund Pike, Missy Pyle, Tyler Perry, j'ai vraiment du mal en ça, et Neil Patrick Harris. Après, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous les nommer. C'est bien, tu as cité Missy Pyle. Ouais. Ouais. Attends. Madame Beauregard. Oui, exactement. Et ça m'a perturbé un peu. Ouais. Et j'aurais pu nommer Emily Ratajkowicz. Ouais. Non, tu peux. Par contre, tu peux. Il y a la flic là. Ouais, la flic, mais c'est. Kathleen Rose Perkins, non. Non. Dickens, oui. Kim Dickens. Ouais, voilà. Kim Dickens. Il y a aussi, il y a aussi la sœur de Nick, qui connaît, Harry Quinn. Oui, ouais. Carrie Coon, ouais. Ouais, voilà. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, hein, comme vous l'avez compris, qui ont un rôle important dans le film. Et je vais d'abord laisser Eddie parler sur ses impressions du film, voilà. Donc, j'ai peut-être pas vu The Game, mais j'ai été voir Gone Girl en salle. J'ai oublié de voir The Game, c'est pas pareil, ouais. C'est pas bien. J'espère qu'on t'a donné envie d'aller le voir, au moins. Oui. Non, mais de toute façon, je l'ai sous la main. C'est bien, ouais, que j'ai prévu de le voir. C'est juste que je suis un boulet et c'est tout. Et j'ai pas pensé à le voir avant le podcast. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, vous en avez très bien parlé pour moi, donc c'est très bien. Okay. Non, du coup, Gone Girl, je suis allé le voir parce qu'il me tentait, en fait. Mm-hmm. Moi, je suis pas un fan absolu de Fincher. Il y a beau avoir des films que j'aime beaucoup de lui, genre Zodiac ou... j'avais bien aimé Panic Room aussi, même si j'en ai un peu moins de souvenirs. Après voilà, je suis un peu inculte sur Fincher, j'ai pas vu Seven encore. Ouais. Et voilà. ça apparemment c'est passible du bûcher pour beaucoup quand t'as pas vu Seven. J'ai pas aimé du tout Millennium, voilà, donc bon. Et Fight Club ? J'ai pas vu Fight Club non plus. Okay. Comme ça c'est fait. Hein. Voilà. Si, j'ai vu The Social Network. Et au début, j'aimais pas et maintenant, j'aime bien. D'accord. Voilà. Bon, je te laisse parler du film. Hein. Et donc, Gone Girl... On arrête de mettre Eddie sur le bûcher. Oui, c'est beau, hein. Je suis pas... Et donc, Gone Girl, ça me tentait bien parce que l'histoire est... semblait intéressante. Et puis bon, c'est pas parce que je suis pas un fan absolu de Fincher que j'apprécie pas son travail, je sais ce qu'il est capable de faire, donc dans ce registre là qui avait l'air quand même un peu plus intimiste, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Ouais. Et en plus de ça, avant que j'aille le voir, moi j'ai eu plein de bons retours dessus, donc ça m'a encore plus encouragé. Et j'ai beaucoup aimé le film, que je trouve très bien pensé. C'est du. De ce que je connais de Fincher, c'est du pur Fincher, celui-ci aussi. C'est vraiment. C'est très insidieux, je trouve. Et c'est ce qui fait la grosse force du film, c'est que. Avec quelques phrases, quelques mots, il arrive vraiment à nous emporter dans le truc. Et la grosse force du film, elle est là. Il y a évidemment les acteurs aussi, parce qu'on a beau. On peut être doué avec une caméra, mais il faut aussi que les acteurs fassent le boulot, sinon ça sert à rien. Et là, les deux acteurs principaux sont très très bien. Rosamund Pike, elle est vraiment assez fascinante et vénéneuse comme ça, sans en dire trop. Et même Ben Affleck, qui prend vraiment. Lui, plus ça va, et plus je trouve qu'il gagne en charisme. Ouais. Bonifié avec l'âge. Comment? De bonifié avec l'âge. Mais c'est ça, il est comme le bon vin en fait, Ben Affleck. Voilà. Et c'est très bien, c'est très bien. C'est plus Ouais. le petit, c'est plus Alors, le beau devine. gosse de chez Michael Bay, quoi, qui jouait dans Armageddon. Dans Pearl Harbor. Dans Pearl Harbor aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il avait joué là-dedans aussi. Ouais. Donc après, qu'est-ce que je peux dire du film? C'est que, enfin oui, finalement, je pensais que j'allais avoir plein de choses à dire, mais je l'ai trouvé tellement bien que parler du film, c'est compliqué parce que Un spoil, la hein. meilleure façon la meilleure façon d'avoir un avis sur C'est Gone d'aller le voir. Girl, c'est oui, voilà, c'est d'aller le voir et de se faire son propre avis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que c'est très insidieux, c'est très c'est malsain, jamais il te propose d'être en empathie avec ces personnages, au contraire, il te pousserait limite à les détester, et en fait, tu te rends compte que certains éléments font que tu suis pas forcément la logique du film non plus. On n'est pas chez David Lynch, par exemple, dans un truc labyrinthique, mais on est dans un thriller très bien alambiqué, surtout, je trouve. Qui part très loin quand même, parce que là c'est il va vraiment loin dans non seulement dans le thriller et à côté de ça, au bout d'un moment, il passe aussi dans une autre optique où il te parle du couple. Et à la limite, c'est là que le film pouvait être casse-gueule, dans le sens où niveau thriller, on sait que Fincher sait faire des thrillers, mais dans une réflexion sur le couple, c'est vrai qu'on ne l'attend pas forcément là, sur ce terrain-là. Et il s'en sort très bien, parce qu'il arrive vraiment à. Non seulement le fait de parler du couple comme ça donne encore plus d'intensité au thriller à la base, et en même temps, forcément, tu vois les personnages différemment. Et donc le film jongle entre ces deux axes-là et jongle bien. Donc voilà, sinon, que dire d'autre? C'est très propre, la mise en scène est très très bien. J'aime beaucoup les choix de cadres tu sens vraiment que c'est calculé, c'est presque un film de maniaque en fait. Mais c'est ce qui est bien chez Fincher, je trouve, c'est que tu sens que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui réfléchit beaucoup à ce qu'il fait, mais c'est pas un cinéma qui est froid. Ouais, bah le truc c'est désolé de te couper, Quentin, mais Non, le c'est truc, dis-moi. oui, non, mais parce que Quentin voulait parler Ah aussi du pardon. Non, j'avais dit oui, mais je D'accord, voulais pas dire. d'accord. Bon, voilà. Fincher, c'est vraiment. Enfin, tu peux mettre n'importe quel film ou n'importe quelle scène qu'il aurait tourné. Je peux te dire que c'est lui parce que c'est vraiment super millimétré. C'est le seul mot que je C'est peux ça. trouver à la réalisation de Fincher, c'est que c'est millimétré, mais vraiment. Enfin, Ah bah même Benjamin Button, qui est quand même beaucoup ouais. plus grand public, tu sais que c'est de Mais. Fincher. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un gros boulot au niveau pré-production pour choisir tous ces cadres. Je pense même au niveau ben, du pas du script. Maintenant, je cherche le mot, j'arrive plus à trouver le mot. Là où il y a où ils préparent les cadres, je sais plus. Bon, c'est La pas mise en grave. situation, quoi. Non, ils font des dessins pour Le préparer les cadres. storyboard? Voilà, storyboard. Je cherchais ce mot. Donc même au niveau du storyboard, je pense que ça doit être super précis. Et voilà, c'est du Fincher tout craché au niveau de la réalisation. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, Eddie, si t'as quelque chose à rajouter, sinon, ben, Quentin, Inès. Après, non. Après, voilà ce que, enfin, comme j'ai dit dans ma critique, il révolutionne pas non plus grand-chose avec ce film-là. Mais ça n'empêche pas qu'il fasse un très bon film, pour autant. C'est un excellent thriller, mais je veux dire que ça révolutionne rien. C'est vraiment. c'est par rapport à ce qu'il raconte dans cette histoire que ça devient vraiment intéressant. Mais sinon, après, le film en lui-même, ça reste un très très bon thriller, bien maîtrisé, bien mis en scène, qui passionne du début à la fin. Mais c'est vrai que c'est pas, y a rien de, il te fout pas une baffe, quoi. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça, mais j'ai vraiment apprécié le film, hein, mais je l'ai pas ressenti. Et je le reverrai. De toute façon, je compte l'acheter en Blu-ray quand il sortira. Mais c'est vrai que je j'ai pas. C'est pas un film radical, mais je pense pas que le film ait été pensé pour être radical non plus. Je pense que c'était. Mais je pense vraiment que ce qui l'intéressait, c'était vraiment de parler du couple aussi dans ce film-là. Ça se sent. Oui, ça se Tu sent. sens vraiment que c'est ça. Et je sais pas si le livre. Je pense que le livre en parle aussi. Je sais pas si le livre c'est une critique du couple, mais Le livre, c'est beaucoup ça, ouais. ouais, donc voilà, donc finalement il a plus utilisé ça parce que c'est vrai que sans spoiler, il y a un moment tu te dis l'intrigue est pratiquement résolue en fait, C'est et pas. tu te rends compte que ben non, pas du tout. C'est ça qui est, c'est ça qui est génial et moi ça m'a un peu fait l'effet Dark Knight chez Nolan. Où au milieu du film, t'as l'impression que bon, c'est dans la boîte, et en fait, t'as encore 1 heure et demie derrière, pratiquement. Donc, mais ça, c'est bien, je veux dire, c'est bien d'avoir des bonnes surprises comme ça quand tu regardes un film. Enfin, moi, j'aime ça. Donc voilà, Gone Girl, non, c'était très, très bien. J'ai beaucoup aimé, et je le recommande à ceux que ça intéressait. Mais je pense que beaucoup l'ont vu, le film a bien marché en plus. Voilà. Ok. Juste, Quentin, avant de te laisser parler, on fera une zone spoiler après quand on aura tous. Pardon. Non, mais t'as pas spoilé, c'est bien. On fera une zone spoiler quand on aura tous dit ce qu'on a pensé du film dans sa généralité, mais juste pour vous prévenir, on fera une petite zone spoiler, donc on vous préviendra bien sûr. Voilà, Quentin, je te laisse parler. Globalement, je suis assez d'accord avec toi, Isaac. Donc, enfin, Merci. À à part. part quand tu mettais en avant, enfin, quand tu disais que c'était pas une claque, parce que pour moi, en fait, c'est pas une claque en termes de thriller, parce que pour moi, c'est pas un thriller, en fait. Ah C'est bon? un peu. Bah, moi, c'est pas vraiment ça, en fait. Enfin, c'est. Tu le qualifies dans quel genre, du coup? Je le mettrais plus dans le. Je sais pas vraiment dans quel genre le mettre. Dans la comédie Le romantique. mettre. Enfin. Hey, dans la comédie romantique. Ah, c'est Oui. très. Le Il n'y a pas début. de romantisme, il n'y a pas de comédie, c'est con! Non, mais je sais pas. Après, après, ça dépend de la définition de thriller que tu voulais Bah, utiliser. thriller, Enfin. c'est avec une intrigue, quoi. Enfin, c'est le où tu as un dénouement vraiment à la fin. Et je pense quand même que c'est vraiment de ce genre-là qui se rapproche le plus. Enfin. Ouais, oui, voilà. Non, oui, voilà. Non, oui, non, en fait, non, j'ai confondu avec film policier. Bon, bref, c'est moi qui ai Un totalement peu, à c'est côté pas de un, non, c'est pas un polar, par la. Bon, contre. voilà, c'est ça. C'est moi qui suis totalement à côté de la blague. Il me ferait passer pour un con, t'as vu ça un peu? Désolé. Donc, bah, qu'est-ce que je pourrais dire après ça? Déjà, c'est pas évident d'en parler sans spoiler. Je sais pas, enfin, si on peut ouvrir la zone de spoiler maintenant. De toute façon, toi, t'as pas aimé du tout, Quentin, donc dis-le. Non, j'ai détesté. Ouais, ça Mais se tu voit. l'attendais pas en plus, donc c'est con. Non, je Franchement, ça a été un n'attendais supplice. pas du tout. Ouais. Donc, ouais. Attends, je vais juste dire mon impression si tu veux Puis directement comme rentrer ça, on dans la fait zone directement spoiler. du spoiler et ce sera D'accord, plus simple. ok, d'accord, ok, Donc, d'accord. comme j'ai dit, D'accord. je vais faire vite, hein, la réalisation super millimétrée de Fincher, hein, comme d'hab. Les acteurs, l'interprétation parfaite, mais la plus impressionnante, c'est celle de Ben Affleck. Où on connaît les. Pas sûr, Moi, hein. je trouve que c'est vraiment la plus Ah impressionnante. ouais? Ouais. Au niveau de. En fait, on connaît vra jamais vraiment les émotions du personnage. Du moins, Ouais, je suis assez au d'accord. début. Sans vraiment spoiler, mais on n'est jamais sûr de ce qu'il pense. Et c'est vraiment très, comme tu as Mais dit. de toute façon, l'ouverture de ce film, c'est un truc de fou. Oui, bien sûr. Mais jamais dans un. Enfin, il n'y a vraiment que Fincher pour te faire une ouverture avec une phrase comme ça. Ouais. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, déjà, il pose les bases tout de suite. Mais c'est vrai que jamais, jamais, jamais de la vie, un film où quand même la bande-annonce te vend une disparition avec un mec qui est un petit peu désespéré parce qu'il voit plus sa femme, jamais tu t'attends à ce que le film s'ouvre avec cette phrase-là. Et là, tu te dis, d'accord, donc, bon, la bande-annonce m'a pas raconté de la bonne chose, je vais voir. Mais c'est ça qui est bien, c'est que le film va quand même de surprise en surprise Et assez génial là-dessus. d'ailleurs, c'est la comparaison avec la première scène sur le même plan de Rosamund Pike et la dernière scène sur ce même plan. Et c'est vraiment là où c'est là où voilà le Ben c'est là que ouais, tu te c'est rends compte qu'il t'a un petit peu retourné quand même. complètement Ouais. Donc voilà les acteurs ouais, Ben Affleck, j'ai déjà dit ça. Le scénario, j'ai vraiment adoré la critique des médias surtout. Je pense pas Ah que ce soit oui. vraiment un spoiler, Il y hein, aura c'est des pas. mais il y aura des choses à dire Ouais, là-dessus. on dira, mais c'est une critique des médias, on n'en dit pas plus pour l'instant. Il y a vraiment un doute qui s'installe de bout en bout, et moi j'ai trouvé ça, enfin j'ai trouvé le scénario vraiment parfait. Comparé à The Game où il y avait 5 minutes à la fin où j'aurais bien enlevé, ben là j'en enlève aucune minute, et comparé à toi, Eddie, moi c'était une vraie claque pour moi. Moi, la personne avec qui j'étais le voir commençait à trouver ça un petit peu long. Ah bon? Au Enfin. milieu, ouais, un petit peu. Après, il a pas détesté, mais Ouais. il a beaucoup aimé aussi, mais il trouvait que ça tirait peut-être un petit peu en longueur. Alors que moi, pas du tout. Moi, j'ai Ouais, vraiment été à fond. mes proches m'ont dit la même chose. C'est Ben, là, c'est bizarre parce que. Mommy et Gone Girl, je crois que c'est récemment les deux films avec lesquels j'ai pas regardé mon portable en fait, pour voir quelle heure il était au cinéma. D'habitude, je le fais souvent, même quand ça me plaît, mais là, pas du tout. Donc c'est là que tu te dis quand même, il arrive à t'emmener dans le truc, quoi. Ouais. Mince, maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas Pardon. c'est pas grave. Ouais, ok, bon Si t'as dit que bah. t'en garderais bien 5 minutes et Ah, que... voilà, c'est ça. Et donc, oui, j'y suis allé avec quatre amis. Et donc, ben, les quatre ont vraiment adoré. Quand on est sorti de la salle, on était assez déprimés. Hein, on était, enfin, quand on est rentré, on était super content de voir le prochain Fincher. Mais là, on va dire que la conversation à la sortie du cinéma était assez courte. Et donc. Les quatre m'ont dit que ben, c'était un peu long au bout d'un moment. Et moi, Ouais. j'aurais dit, mais moi, j'ai pas vu passer. J'ai cru que ça faisait Ouais, moi une non heure que plus, j'étais hein. dans la salle. Hein. J'avais l'impression d'être que. Mais Enfin, voilà. non, pas forcément. T'as la sensation d'avoir vu un film qui faisait quand même une Ouais, certaine longueur, mais mais. jamais tu t'ennuies, surtout. Je Quand sais pas. tu arrives à rentrer dedans, évidemment. Voilà. Désolé, c'est mon chat qui fait le bordel. Oui, ouais, moi j'ai vraiment réussi à rentrer dedans et donc j'ai vraiment pas vu le temps passer quoi. Et après, est-ce que vous, parce que j'avais entendu ça moi sur une critique sur Internet, je crois que c'était sur CloneWeb, il me semble, et il disait comme ça que les couples qui sont allés voir le film, en sortant de la salle, les couples ne se parlaient pas. Apparemment, c'est vraiment pas le film à aller voir en couple. Ouais, c'est à mon Mes avis parents sont c'est. allés le voir la semaine dernière. J'ai envie de Moi dire qui leur ai conneries, conseillé, mais. c'était peut-être une bêtise. C'est parce qu'ils t'ont annoncé une mauvaise Ils s'étaient pas nouvelle ou. disputés. Non, ils s'étaient pas disputés depuis deux Ah mois et merde. la dernière dispute c'était lundi, donc voilà. Moi je suis allé voir en couple, mais ça va, hein. Il n'y a pas eu Sûrement juste de. une coïncidence, voilà. Non, je sais pas. Mais c'est vrai que. Mais j'ai pas trop fait attention en sortant de la salle, mais apparemment, oui, ça fait réfléchir parce qu'il pose des questions le film quand même. C'est pour ça, j'avais envie de rappeler ça, mais j'avais entendu cette anecdote-là et je trouve qu'elle est assez vraie finalement. Oui, bah moi j'ai parlé pour mon groupe d'amis, mais les gens qui sont sortis, ils étaient aussi assez dépités. Oui. Hein, voilà. Et je vais juste revenir vite fait sur la musique, même si c'est très rapide. Donc elle est vraiment très très glauque. On a une ambiance mais très Elle est forte glauque, dans le mais film. extra. Mais Hein. Ouais, c'est merveilleuse. ouais, elle est merveilleuse, mais en même temps, Merveilleusement glauque. c'est pas quelque chose qu'on écouterait pour se faire plaisir. Enfin, Ah, mais elle est pas faite pour te faire plaisir. ouais, justement, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on écouterait facilement, mais dans le film, ça passe très très bien et j'ai vraiment adoré la musique, quoi, Ça l'ambiance et tout rajoute ça. quoi, ça rajoute Ça, à la ça, mise en bah, ça, ça, scène et en tout. fait, on s'en rend, c'est souvent ce que je dis, c'est on s'en rend pas souvent compte, mais la musique, ça rajoute vraiment énormément, même peut-être plus que les images. Même la parole, ça rajoute beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser, en fait. Donc voilà. Mais c'est normal, parce que la musique, en fait, c'est ce qui joue sur l'inconscient. Oui, bah oui. Moi, je pense, dans un film. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, oui, en fait. Bah, justement, c'est mon sujet d'étude en ce moment. Donc... Ah, ben voilà. Donc, Et donc, ben voilà, j'ai à peu près tout dit dans la zone non-spoiler. Donc, maintenant, on va rentrer dans la zone spoiler. Je vous dirai en post-prod, donc je vais laisser un petit blanc pour vous annoncer à quelle minute il faut avancer pour pas être spoilé. Et donc, voilà, on va rentrer dans la zone spoiler. C'est parti. Vous entrez maintenant en zone spoiler sur le film Gone Girl. Donc, si vous voulez pas être spoilé, il faut avancer jusqu'à 1h34 minutes et 10 secondes. Voilà, donc on est dans la zone spoiler. Quentin, je te laisse parler. Donc, Gone Girl, alors. Ça va être difficile. Mais du coup, faut que tu fasses ta critique, Quentin, toi. Ouais, c'est pas t'as, en fait, t'as rien dit avant, t'as pas réussi. Là, tu voulais rentrer directement dans la zone spoiler, mais voilà. Voilà. Donc, Gone Girl. Donc, j'ai adoré. Voilà, déjà. C'est mon film de l'année, déjà, je sais déjà qu'aucun film ne pourra le dépasser, mais c'est peut-être pas très bien de le dire ça tout de suite, l'année n'est pas complètement finie, mais c'est vraiment un film qui me reste ancré, je peux à nouveau m'imaginer chaque scène, Mais tu y repenses encore? Voilà, c'est ça, j'ai vu il y a un mois, j'ai pas eu le temps d'aller revoir. Et je peux refaire le film dans ma tête sans aucun problème. C'est bien. On l'a tous vu qu'une seule fois ici. J'ai très envie d'aller le revoir parce qu'en plus, il arrête pas de repasser. Et en plus, j'ai pu le voir en VF et je voulais vraiment le voir en VO. Mais moi aussi, je l'ai vu en VF. Ouais, le doublage n'était pas mauvais. Mais... Ouais, ça rajoute toujours un... Enfin voilà, c'est toujours un moins, je trouve, la VF. Mm-hmm. C'est pas... Voilà, mais non, c'est bon, on te laisse parler, Quentin. Alors, par où commencer ? Ce que j'ai trouvé assez génial, c'est la manière dont... c'est un film sur le couple en général, déjà. Enfin, qui est général non plus, mais heureusement. Mais ce que j'ai trouvé assez bien, c'est que Fincher nous demandait de prendre parti pour un des deux personnages, en fait. C'est les deux personnages, ils ont chacun leurs qualités, leurs défauts. Ah, t'as trouvé, toi ? Bah... Ouais, moi, j'ai trouvé aussi. Bah, en fait, Alors que moi, au contraire, j'ai trouvé qu'on restait assez neutre à ça, justement. Et c'est ce que je trouve bien, c'est que tu... tu peux prendre parti, mais possiblement, tu sais, ils te forcent pas à... Bah, justement, j'ai eu l'impression de voir Fincher nous demander de choisir, en fait, en quelque sorte. C'est quel point de vue tu vas devoir... Et justement, ça m'a plu quelque part, parce que c'est un peu comme le jeu du chat et la souris. Enfin, dans tout le film, ils se renvoient la balle en quelque sorte, alors qu'ils sont pas du tout dans la même scène. Donc je vais passer du coq à l'âne, mais tant pis, là j'ai envie de parler de la bande originale, les idées me viennent comme ça. Donc la bande originale, elle est composée par Trent Reznor, donc je crois que c'est depuis The Social Network qu'il compose pour Fincher. Encore une fois, je l'ai trouvé assez génial. Donc personnellement, c'est le score Sugarstorm qui m'a le plus plu. Je sais pas si vous voyez c'est lequel. Ah, la scène la scène du baiser sous le sucre, c'est ça ? Ouais, voilà. C'est ouais. Vraiment la musique qui... Très, très, très marquant. Et donc c'est aussi la musique qui... D'ailleurs, c'est assez ironique de la retrouver, cette musique, dans la scène où Amy revient ensanglantée et où elle tombe dans ses bras. Enfin, c'est une scène vraiment géniale. Le livre s'appelle Les Apparences et je trouve que ça prend tout son sens avec le film. Le film aurait dû s'appeler Les Apparences. Pour une fois, on aurait pu traduire le titre. Pour une fois, ils pouvaient traduire le titre, ça m'aurait pas gêné. Franchement, ils avaient appelé ça Les Apparences. Ça aurait pas été gênant, mais du coup. Il n'y a pas déjà un autre film qui s'appelle Les Apparences il y a peut-être ça aussi. Mais je trouve que Gone Girl, c'est approprié aussi parce que du coup, ça t'induit en erreur. Ça te permet de... Parce que toi, tu t'attends vraiment à un film sur une femme qui disparaît. Oui. Et tu t'attends à ce qu'il la retrouve et qu'il soit éperdument un fou amoureux l'un de l'autre, en fait. Tu as plus la sensation qu'elle se fait enlever quand tu vois la bande-annonce. Et je pense que c'est pour ça qu'il a gardé Gone Girl, c'est que tu... Justement, pour que tu sois encore plus surpris. Et assez dingue, c'est que tout ce que nous montrait Fincher depuis le début de la promotion, c'était ce que veulent nous montrer Amy et Nick, en fait. Oui. Et c'est ça que j'ai trouvé, enfin, que je trouve génial. J'ai pas vraiment les mots là pour. Enfin voilà. c'est très dur. Hein, m'attendais pas voilà, à être. Non mais et c'est puis, pas grave. Hein. Au moins on sent que le film t'a énormément touché. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Oui, c'est un film qui m'a fait redéfinir beaucoup de choses, beaucoup de préconçus que j'avais déjà sur le mariage, sur diverses choses. Il se mariera jamais, il aura jamais d'enfant. On sait jamais. Il va se méfier tout le monde maintenant. Oui, voilà. Non, quand même pas, mais. C'est. Oh là là. La photographie, j'ai trouvé ça génial aussi. Mmh. Oui. Enfin, toujours chez Fincher, c'est quelque chose qui me fait vachement. Ben, c'est, enfin, moi, ça me parle toujours. Hein. C'est... Mais c'est à ça que tu le reconnais aussi. Ouais. Hein. Ouais. Aussi, ouais. C'est ce que je disais. Hein. Tu me montres n'importe quelle scène, je te Fincher direct. Hein, c'est... Et au The Social Network, tu regardes Gone Girl, bon, bah, tu sais que c'est le même bonhomme, quoi. Ouais, ouais voilà. C'est sûr. Pour les scènes sous la neige dans The Social Network et dans Gone Girl, c'est un peu très bien. Ah, ouais, ouais. Vraiment, la neige, c'est du sucre, hein, mais dans Gone Girl, mais... donc voilà, donc après aussi, j'ai vraiment un bon sujet là à aborder, mais là, ça vient m'échapper. Les idées qui viennent et qui partent, là... Oui, voilà. En fait, il y a un moment dans le film où, à la fin du premier acte, donc là où on révèle voilà, enfin, le plan d'Amy avec le fait là où. Alors, c'est une scène que je trouve absolument géniale. J'avais l'impression de me retrouver devant un Hitchcock, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, exactement, c'est vrai. Enfin, c'est voilà, le meurtre était parfait. Là. Enfin, voilà, c'était ça à peu près. Non, le crime était parfait, voilà. Ouais, presque c'est... dans un film noir, en fait, où tu. Ouais. Juste cette scène de la voiture, c'est oui, complètement hitchcockien, voilà. Quoi. C'est... Elle est excellente, ouais. Et justement, j'avais l'impression que en fait, Fincher avait grillé ses cartouches, en fait. C'est ouais. Que la fin était arrivée trop vite, je me disais, le film n'est pas loin. J'avais vraiment l'impression que c'était la fin du film. Enfin, voilà, on arrivait sur la fin, et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'Eddie avait dit voilà, sur la surprise, un peu comme avec The Dark Knight aussi. D'accord, c'est ça. Et je me disais, je suis déçu en fait, et du coup je commençais à m'affoler, non c'est pas possible, et là je vois que le film continue, et je pense que ce que Fincher voulait dire, et en sortant du film j'étais complètement rassuré. Il y a un moment, enfin la scène où justement où Rosamund Pike rejoint Ben Affleck, j'étais à deux doigts de me lever et crier chef d'œuvre dans la salle, parce que c'est tellement j'étais voilà je oh là là je... bon, bref voilà, mais je t'imagine trop te lever et dire oui je le vois bien dans la salle en train d'applaudir. D'ailleurs j'ai fait voir le film avec ma grand-mère, elle a adoré aussi, hein, mais ouais. Mais j'aurais pas osé, je voulais pas le... je voulais pas voilà le... je j'essayais de me calmer un peu voilà pendant le film, mais à plusieurs moments je regardais ma grand-mère pour voir ses expressions D'ailleurs elle avait un peu deviné d'ailleurs le twist. Voilà le twist, mais en fait c'est pas tant un twist, en fait le film repose pas vraiment sur son twist, c'est ça que j'ai trouvé. Oui, parce qu'il l'avait dit dans une interview sur première, bon je crois, ouais, il avait dit, il y a un twist dans Gone Girl, mais c'est pas le plus important. Ouais, j'avais lu ça, ouais, sur, c'était sur le premier totalement consacré à Fincher. D'ailleurs j'avais trouvé cet article très intéressant. Pour une fois, j'ai première, c'est bien. Pardon. Oh, j'aime bien première. Ouais, je trouve que ça fait un peu trop magazine People, première. Ah. Bon, bref. Ouais. Oui, bon, ouais, voilà. Ça n'est pas le sujet. Donc, voilà. Donc, c'est assez, assez fumeux ce que je viens de dire, mais bon, bref. Donc, voilà. Gone Girl, je le recommande. Gone Girl, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, Rosamund Pike, c'est ma révélation de l'année. Qui avait joué dans un James Bond. Moi, je me rappelle d'elle dans un James Bond. Ah bon? Oui. Elle avait joué dans Meurs un autre jour. Elle avait joué Miss Moneypenny. Ah voilà, oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui, mais c'est vrai. Ouais. Tiens. Ah, c'était le James Bond avec Holly Berry en James Bond Girl. Ouais. D'accord. Elle était très bien d'ailleurs. Oui, c'était pas le meilleur James Bond, mais. Oui, c'était pas le meilleur, mais voilà. Mais oui, ça lui allait bien, ouais. Bah, elle avait un rôle de garce. Elle faisait le beau, ouais, voilà. Voilà. Prémonitoire. Mais moi, j'espère que le film sera primé. Ouais. Oh, j'espère. Bah, surtout elle, franchement, s'il y a. Mais je pense pas qu'elle peut avoir un Oscar de la meilleure actrice parce qu'elle est pas dans un premier rôle. Elle peut peut-être avoir un second rôle. Je pense que l'acteur principal, c'est quand même Ben Affleck. Ah oui. C'est un peu l'actrice principale du film. Ouais, Jennifer Lawrence, c'était Bradley Cooper, l'acteur ouais, principal aussi, dans c'est Happiness vrai. Therapy et Jennifer Oui, c'est Lawrence, vrai. c'était, elle a été, elle a eu la, c'est la meilleure actrice. Bon, on verra bien. C'est pas tombé Ouais. encore pour le moment. Mais ça D'ailleurs, serait bien, ouais, le qu'il personnage remporte est des une trucs. actrice en lui-même, c'est ça qui est assez bien. Les deux sont des parfaits acteurs. Enfin, Oui. leur sourire à tous les deux, je les aime, je les déteste. Voilà. Mais c'est C'est ça qui est génial dans le un film, c'est film qui que va me marquer. tu passes d'un tu passes d'un truc à l'autre comme ça, quoi. À un moment, t'as envie de te dire, en fait, elle est peut-être pas si, c'est peut-être pas si, elle est peut-être pas si garce que ça. Mais en fait, Ah, allô? tu te rends compte qu'elle est Ah, pourrie jusqu'à la moelle, et jusqu'à puis là, d'un c'est. coup, puis après, tu te dis, lui, ouais, mais lui, il l'a trompé et tout. Enfin, Hein? c'est plein de trucs comme ça. Ouais. Et Mais. finalement, tu essaies de. En fait, il te Bah, présente après, deux personnages imparfaits ce que je veux dire. et il arrive à te faire aimer les imperfections de l'un, mais pas de l'autre, je pense. C'est un peu comme ça que je l'ai vu, moi. Oui, Quentin? En fait, ce que je veux dire va vous sembler un peu bizarre, mais à la fin, j'avais un peu de compassion pour elle. Ah bon? J'arrivais à quoi. Oui, ouais, voilà, Comment t'as attends, fait? je vais faire peur en disant ça, mais j'arrivais à Quentin est comprendre, bizarre. en fait. Ouais, j'arrivais un peu à comprendre ses intentions, en fait. Mais dans la mesure, enfin, voilà, le film est bizarre, hein, enfin, le film en lui-même est bizarre, Oui. quelque part, enfin, dans la mesure où le film est bizarre, j'arrivais à comprendre ses intentions, enfin, enfin voilà, la manière dont, enfin, jusqu'où elle va aller pour sauver son couple, en quelque sorte, entre guillemets, ou jusqu'où ils vont aller pour sauver leur couple. Oui, J'ai parce que trouvé oui, c'est ça vrai, dans un assez. sens, finalement, c'est ce qui la motive un petit peu aussi, oui. Et ce que je trouvais assez magnifique d'ailleurs, justement, En gros, c'est je pour le faire pense. Hein. réagir qu'elle fait ça. Voilà, c'est ça, c'est Donc qu'elle c'est était vrai que dans un ignorée. sens, oui, on peut comprendre aussi ses actions. Mais Je... moi, c'est, moi, j'ai quand même, il est quand même plus traité de tous les noms qu'avoir de la compassion pour elle. Alors, J'ai pas. Non, oui, je la traite aussi tout. Je la traiterais aussi tout le monde si je la voyais, si j'avais en face. Mais bon, déjà, si j'avais en face, je prendrais mes jambes à mon cou, Oui, mais j'aurais trop peur qu'elle oui. m'égorge. Oui, le pauvre. Donc ouais, Oui, une justement je perte voulais égale. reparler du personnage de Neil Patrick Harris j'ai adoré ce personnage de Francis? ouais même si il finit malheureusement Oui. un peu mal mais j'ai adoré ce personnage qui vraiment a été tout aussi barré qu'elle mais peut-être un niveau inférieur mais qui s'enfermait vraiment chez lui Mais le enfin truc, c'est que qui dans le avec film, toutes ses caméras tout ça. t'as pas vraiment de personnages auxquels t'identifies. Ils sont Ouais. tous un peu, Un peu barge. complètement, un peu psychopathes sur les bords. Personnellement, je me suis un petit peu identifié au personnage de Margot. De la flic? Non, Margot, la sœur Ouais, alors, Ah. limite, il y a la sœur de Ben Ouais. Affleck, il y a de la flic aussi. La flic, moi c'était La plutôt la flic, un flic. peu Hein. moins, même si j'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Ouais, Le c'est vraiment chat. le chat. Oui. Ah. Le chat, Très beau le chat chat. d'ailleurs. Oui. Qui finit très bien, pas comme dans Millennium. Moi, ça Ah m'avait cette scène m'avait choqué. oui, pauvre chat. Pauvre Voilà. bête. Non, mais je sais pas. Est-ce que vous avez trouvé le film dérangeant ou. Il peut Oui. choquer, je pense, quand même. Ben Oui. oui. C'est... Ma grand-mère était choquée par la scène où Patrick Harris. Ouais, bah se fait couper la gorge, on Voilà, peut le dire, de toute on façon peut on le est dire en du zone coup. spoiler. Hein. Oui, voilà. Donc ouais. Est-ce que vous avez trouvé du symbolisme dans le film? Moi, j'ai pas tant que Bah ça, en fait. le problème à mon avis avec ce film, c'est que c'est pas vraiment un problème, c'est justement une qualité, c'est que on va découvrir plus de choses en le revoyant justement, à mon avis, Oui. parce qu'il y a plein de petits trucs cachés déjà que j'avais vu au visionnage, mais à mon avis, il y en a encore des tonnes et des tonnes comme d'habitude chez Fincher, Et c'est pas des questions sans réponse, mais mais c'est pour approfondir, en c'est des fait. petits détails et justement ben c'est ça qui fait vivre le film en dehors de l'écran en fait c'est on y repense on n'arrête pas d'y repenser mais en fait c'était quoi c'est ce petit détail là j'ai oublié la photo pourquoi elle était pas tombée enfin Ouais, voilà. tout plein de choses qui se bousculent dans notre tête j'étais comme Quentin quand je suis sorti de la salle mais sauf que je me suis peut-être un peu un peu enfin je dirais que c'est quand même pour l'instant Je vais le dire, hein, c'est mon film préféré de l'année pour l'instant, mais rien n'est joué parce qu'il y a encore d'autres films que j'attends. Et, Moi, c'est pas mon film préféré de l'année, hein, mais il, sera sera dans mon top 5. Je sais. Mon film préféré de l'année est sorti le même jour. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est un indice. Oui. Ah, ouais. Non. Annabelle. Non, les gens le savent. Les gens le savent déjà. Oui, Annabelle, bien sûr. Tout le monde sait, il dit que c'est Annabelle. Surtout que je l'ai pas vu, mais bon. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? C'est pas grave. Que tu disais que tu t'étais contenu en sortant alors que tu avais envie de crier chef-d'œuvre, en gros. Voilà, aussi, ben voilà. C'est ça. Et. C'est tout à peu près. Hein. Je suis sorti en disant, c'est malsain. C'est jamais tout parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures, mais on n'a pas beaucoup. Il mériterait un podcast entier. Voilà, c'est ça, mais on fera un podcast entier Fincher si vous voulez un jour. Alors, c'est... Ah oui. Un jour de podcast. 24 heures. Ouais. Alors. On passe 4 heures par film. Et C'est vrai que moi, ça me plairait bien de parler de Zodiac ou de même The Social Network. Ben ça pourrait être vachement intéressant. Zodiac, on pourrait en parler pendant un jour. Bah oui. Moi, par exemple, c'est celui que je préfère de Fincher. C'est un de mes préférés. Et ça reste là. Moi, j'hésiterais à mettre Gone Girl. Gone Girl me plaît beaucoup aussi. Ouais. J'ai pas encore revu. Dans mon film préféré, j'hésite entre Seven et Gone Girl. Moi, Seven, Gone Girl, Execo, je pense. Ouais. Tu vois, c'est à peu près. Mais je les ai pas vus, moi, encore. Jusque-là, Seven était mon film préféré. J'ai pas vu Seven, donc bon. Pas vraiment que je le vois, du coup. Oui, absolument. Avant The Game, tu peux laisser tomber si t'as pas vu Seven. Non, mais je le verrai aussi. Mais... Ouais, bien sûr, mais regarde Seven d'abord. Ok, bon. Priorité. Moi je voulais revenir là-dessus, sur l'image de la femme dans le film. Ouais. Alors, parce que c'est pas un film qui est anti-féministe. Hein, non, pas du tout. Mais je pense que le problème, c'est que... Mais alors je pense qu'il peut y avoir quand même une confusion à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, j'ai vu pas mal d'articles sur ce point-là. Mais c'est pas étonnant parce que il donne pas une image de manipulatrice, femme. En fait. Mais voilà, tu peux facilement te dire en fait il pense que toutes les femmes sont des manipulatrices et tout, et en plus les événements qu'il y a dans le film, c'est couvert par un talk show à la con de nénette blonde habillée en rose et tout, là, Missy Pyle, là. La critique des médias, je voulais y revenir, voilà. On reviendra après. Hein. Et du coup, en fait, qui sont là, c'est pour permettre un peu aux gens de haïr un personnage comme ça, où elle dépeint... J'ai détesté ce personnage, c'est vraiment typiquement la blonde américaine qui a son talk show de merde pour les ménagères bien naïves. Pire, c'est que ça existe vraiment et c'est pas exagéré. Hein, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment la même chose. C'est la présomption d'innocence, ça existe pas. Voilà, exactement. Mais elle a souvent des rôles détestables. Mais je réfléchis à ça, mais c'est vrai que. Bah, elle a vraiment, en même temps, elle a la tête à chaque de fois qu'elle apparaît. Hein. Oui, déjà. Hein, donc, à chaque fois qu'elle apparaît. C'est la merde dans la classe où t'as envie de. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça peut être pris un peu à confusion, mais pas du tout, finalement. C'est justement le fait de montrer que Amy elle soit capable de faire tout ça, ça prouve que finalement, c'est la femme est forte aussi. Mais c'est vrai qu'on peut facilement percevoir la femme comme quelqu'un de manipulateur, de calculateur et sans scrupules, alors que c'est pas du tout le cas, en fait. Exactement. Bah, encore une fois, rien qu'à travers aussi le personnage de Margot. Aussi. La jumelle de Nick, une femme qui tient un bar, si ça c'est un film anti-féministe. Oui, voilà, exactement. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça m'énerve, ça, que tu vois dans la presse qu'il y a des films comme ça qui se font bâcher. C'était comme Le Loup de Wall Street aussi de Scorsese s'était fait bâcher. Voilà. Bon. Surtout qu'en général, souvent les films de Fincher sont vraiment féministes. Quoi. Enfin, la place de la femme dans la filmographie de Fincher, elle est. Enfin, déjà, surtout que t'as une sorte d'évolution. Déjà, tu passais de Seven avec le rôle de Gwyneth Paltrow, la petite blonde écervelée, pas totalement écervelée, mais voilà, pas très très utile. Enfin, si, un peu à la fin. Mais non, pas spoiler. Non, je ne spoil Ouais, pas, non, bah je non, dis ne rien. spoilez pas, je l'ai pas vu. Oui, je dis rien. Mais voilà, donc de Gwyneth Paltrow à Rosamund Pike, je trouve que l'évolution de la femme chez Fincher a vachement bien évolué. Donc, Elles sont enfin, toutes les ouais, deux blondes. bon, bah, voilà. C'est passé de la brune à la Même noire corne. Millennium, Bah oui. c'est quand Non, même non, non. un. C'est, je veux dire, Bon, après, c'est basé sur un bouquin et sur des films qui sont. Enfin, qui dépeignent déjà une image de la femme, pas enfin, c'est vraiment féministe, c'est pas. Oui, bien sûr, mais je veux dire, après, de la manière dont tu le traites dans le film, ça peut donner complètement Oui, autre bien chose sûr, aussi. mais. Bon, après, je voyais pas comment il pourrait faire autrement pour ce personnage-là, mais voilà. C'est un autre débat Voilà. sur un autre film, dont on reparlera dans un podcast hors série, sûrement Fincher. à venir. Je sais pas quand on aura le temps. Oui, dans 10 ans, à peu Voilà, près. c'est ça. Vous sortez maintenant de la zone spoiler sur le film Gone Girl. Ok, bon, je pense qu'on a. Enfin, non, on n'aura jamais tout dit, mais faut quand même s'arrêter au bout d'un moment parce que. Hey. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre Je sais juste pas. cette partie, mais ça doit bien faire 30 minutes, à mon avis. Oui. Et voilà, et donc. Un dernier mot, allez hop, un dernier mot. Allez le Pour voir. aller pour donner aux gens d'aller le voir. D'aller en. Je perds mes mots, voilà. Allez voir le Donne-moi. film. Voilà, c'est ça. Ah, c'est dur, Pour les filles, il y a les fesses de Ben Affleck. Voilà. hein. Ah oui, c'est vrai. C'est Et vrai. C'est un très bon argument. pour les garçons, il y a la poitrine d'Emilie Voilà, Ratajkowski. c'est ça. Il y a les fesses de Ben Affleck aussi. Et Emilie Ratajkowski. Et quoi? Emilie Ratajkowski. Ratache que Ah skin. oui, ah oui, c'est Ratajko vrai. machin. Et bah moi du coup oui bah non mais enfin très très bien quoi, excellent excellent thriller, bien écrit, bien foutu et qui mérite d'être vu. Voilà. Ben ouais. Ouais, vas-y. Éprimé. Éprimé Surtout, aussi. ouais. Voilà, Éprimé. et puis ben moi je Jack rajouterais que Sparkling, c'est. ouais. Moi aussi. Je rajouterais que c'est un film 100% Fincher. Donc si vous aimez Fincher et ou si vous n'aimez pas tant que ça et que vous voulez découvrir peut-être Fincher, et ben c'est un bon film pour commencer ou pour essayer je De n'arrive pas à trouver le l'aborder mot, mais. Ouais, voilà. comme Ouais, premier tout à fait approche, ça peut d'accord. être pas mal, oui, c'est vrai. Comme Ouais, première tout à fait approche, c'est d'accord. vraiment très très bon. Et puis. Ben, ça Ouais. vous met dans l'ambiance. Oui, c'est peut-être, enfin, moi de ce que j'ai vu, c'est peut-être son film le plus accessible Ouais. avec Benjamin Button, je pense. Ouais. Bon, bah, j'ai. Ouais. Voilà. On a fini. On vous conseille vraiment d'aller voir le film si vous ne l'avez toujours pas vu. Passe Et encore en si. plus. Ouais, en plus. Et puis, s'il ne passe pas dans votre salle, attendez le DVD ou le Blu-ray. Et voilà. Regardez-le au moins, une fois. Bon, Voilà. eh ben, on passe tout de suite, maintenant qu'on a fini, à l'agenda cinéma Movie Nerd, c'est parti. Vous ne savez pas quoi aller voir le mois prochain? Ça tombe bien. Parce que c'est le moment de l'agenda cinéma Movie Nerd. L'agenda cinéma. On est donc à la rubrique de l'agenda cinéma Movies Nerd. On est sans Quentin. Je suis toujours avec Eddie et on va vous parler des films qu'on est impatient de voir ou qu'on a noté pour vous à aller voir au cinéma le mois prochain, enfin ce mois-ci plutôt, puisque comme on sort un peu en retard. Du coup, les films qui sont sortis déjà avant qu'on enregistre, on n'en parle pas. Et voilà, Oui. donc on a retenu 4 films à voir ce mois-ci. Ah, Interstellar, mais ça, bon, Ouais. on en parlera de toute façon. De toute Mais façon, que ce soit. il est déjà sorti, quoi. Voilà, c'est ça. Interstellar, on en parlera que ce soit dans nos coups de cœur ou le film du mois. On verra. On n'est pas Ça va encore sûr de dépendre de ça. notre Voilà, appréciation. c'est ça. En sachant qu'il y en a déjà un de nous trois qui a adoré, mais on ne dira pas Voilà, qui c'est. on dira pas qui c'est. Indice, il n'est pas là. Alors. Donc, on va commencer avec Hunger Games, La Révolte, partie 1, qui sort le 19 novembre 2014. C'est toujours Francis Lawrence qui réalise et c'est toujours avec Jennifer Lawrence, Josh. Et qui n'ont rien à voir d'ailleurs, hein. Qui? Bah De quoi? Jennifer Lawrence et Francis Ah! Lawrence. Ah oui, Qui sont oui. pas. Non, pas relatif. Du coup, voilà, je crois que tu attends plus que moi. Enfin, c'est Bah, pas. c'est pas enfin, Ouais. si celui-là je l'attends. Ouais. C'est vrai que voilà. Parce que moi j'ai détesté le premier Hunger Games. Mmh. que je trouvais trop lisse et mal foutu, en plus en mise en scène, c'était vomitif. Mais du coup, j'ai eu envie de voir le deuxième quand même, parce que déjà j'étais plus rassuré par le metteur en scène, et la bande-annonce donnait plus envie déjà, semblait beaucoup plus stable au niveau de l'image. Le cadreur n'avait pas chopé la Parkinson. Oui, voilà, c'est ça. Et donc le deuxième, qui est pas un film énorme, mais qui est plus appréciable quand même que le premier. Et donc là j'ai envie de je suis curieux de voir le troisième. Voilà, j'ai envie de savoir la suite de l'histoire, tout simplement, sans avoir lu les bouquins. Donc bah, logiquement ça devrait reprendre l'intrigue là où l'embrasement l'avait laissé. C'est-à-dire que bah, la révolte se met en place. Inijue, je pense, et maintenant ça va twister, quoi. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Ouais, Quentin aussi assez fan de Hunger Games, apparemment, Oh ben, puisqu'il assez fan, c'est fait, mais on a... peut dire qu'il est complètement fan, je Ouais. pense. Puisqu'il a, il a lu tous les bouquins déjà et qu'il l'attend énormément, donc voilà. Voilà. Il vous en parlera sûrement, on en vous en parlera sûrement dans le prochain podcast. J'essaierai de regarder les deux premiers, puisque je ne les ai toujours pas vus. Et Tu peux ça, je tenter, pourrais. hein, peut-être que ça te plaira. Bah oui, ouais, mais je pense que ce sera, c'est pas un moment, un mauvais moment à passer, je pense, c'est pas. Ah. Enfin, peut-être le premier, mais j'en sais Eh, mais regarde, moi, tu vois, hein, j'ai beau avoir détesté le premier, j'ai apprécié le rien. deuxième, quoi. Voilà, donc on verra bien, et puis on vous en reparlera sûrement le mois prochain. Donc voilà, et le deuxième film qu'on a noté, c'est toujours le 19 novembre, c'est Puzzle de Paul Haggis avec Liam Neeson, Mario Bello, Mila Kunis et plein d'autres gens que je n'ai pas notés. Mais déjà Du les trois coup, premiers, ça donne envie, hein. ouais, c'est assez, c'est des bons acteurs. Du coup, c'est une histoire qui se passe dans trois villes différentes, trois histoires d'amour qui vont être reliées par un étrange phénomène. On n'en sait pas plus. Comme un puzzle. Voilà, c'est ça. Mais la bande-annonce a l'air assez intrigante et franchement, ça m'a, enfin. Moi, ça me donne vraiment envie d'aller le voir. S'il passe chez moi, j'espère pouvoir le voir. Du coup, parce que ça a l'air assez intéressant. Mais moi, logiquement, il devrait passer par chez moi. Donc, D'accord, ouais. je le verrai, je Ouais. pense. Du coup, ouais, ben, toi, ton avis sur Oh, ce bah, que tu as pourquoi vu, pas? ouais, voilà, pourquoi pas, C'est surtout ça a l'air ça, pas pourquoi mal. pas? Ouais, Je l'attends pas forcément énormément, c'est mais. sûr, mais ça peut être un film sympa à voir, quoi, c'est pas. Ouais, voilà. Non, mais pour les besoins du podcast, pourquoi Ouais, pas non, aussi? mais on va pas. Non, mais enfin, On va pas moi t'obliger à je aller sais voir que je des le fais un films. petit peu, mais c'est bien, ça me permet de Ouais. découvrir des choses intéressantes. Donc, C'est ça. voilà. Du coup, ben voilà, puzzle. Et maintenant, Eddie va vous parler de Astérix, le domaine des dieux. Oui. Le prochain film de Louis Clichy avec Roger Carrel, Et Guillaume Alexandre Astier? Bien, et Laurent Deutsch. Réalisé par Laurent Astier aussi? Ah oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, aussi. Ouais. J'avais complètement zappé ça, c'est vrai. Et Mais si. c'est vrai que ça, c'est une information qui est très intéressante. Ah bah oui. Donc, je sais que Et. tu es très fan d'Astérix. Ah bah moi j'ai. Alors moi j'ai pas lu les. Alors Les BD. moi c'est mon père qui lisait les BD et moi j'ai vu D'accord. les adaptations en dessin animé. Et moi j'ai été nourri à ça quand j'étais petit. Je les ai pas tous vus, il y en a certains que j'ai pas vus, mais j'ai vu les plus connus, j'ai vu Cléopâtre, Les 12 travaux, Ouais. Le coup du menhir, tout ça. Et là du coup c'est la première. J'ai vu les films aussi, donc là il y a à boire à manger niveau des films. Ouais. Le deuxième est le meilleur pour moi, je Oh bah pense. le deuxième est excellent, enfin très drôle. Mais comme moi, c'est mon dessin animé. Enfin, de Astérix, de Cléopâtre, c'est mon dessin animé préféré et mon film préféré. Donc. D'accord, des Astérix. Oui, de Astérix, ouais. Non, c'est pas Et de tous mes films préférés. oui, et avant c'est bizarre, ça m'a surpris. Donc du coup là c'est leur première, incursion dans la 3D. Les premiers Astérix à la sauce 3D, donc c'est français. Franchement, la première bande-annonce, c'est pas dégueulasse. Oui, elle est vraiment, c'est sympa, quoi. C'est pas, c'est, Ouais, ouais, ouais. ouais. Et donc voilà, bah c'est une attente. Oui, c'est une attente parce que c'est un Astérix, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la 3D. parce que le doublage, je pense, va être très sympathique. On a des Bah, voix, Laurent on a Deutsch Elise aussi. Moon, on a Laurent Deutsch, on aura plus Pierre Tornade parce qu'il est décédé, qui faisait Ouais. Obélix. Mais on a Florence Foresti qui va faire Bonne Mine. Enfin, il y a pas mal de monde comme ça, donc ça peut être assez sympathique. On va certainement avoir Kev Adams aussi, malheureusement, mais bon, on fera avec. Et Ouais, on espère non, qu'il a mais une petite part dans le film, quoi. oui, voilà, c'est ça. Moi, on le voit, mais on se porte celui-là. Et non, mais ce qui a l'air assez sympa aussi, c'est que le film a l'air très référencé. Genre Gandalf qui sort Vous ne passerez pas à la Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est des. Ouais. Moi, je m'attends à un bon petit moment de fun. C'est du Astier, quoi. C'est des petites Voilà, c'est références ça. Et je pense bien que oui, on choisies. va retrouver un peu cette ambiance. Ambiance Kaamelott. Camelot, un peu, même Hérocorp, un peu, qu'avait fait son Ouais, frère. ouais, ouais. Je pense que ça peut être très sympa. Ça peut être un bon petit film Ouais. d'animation. Et ça ferait du bien dans le cinéma français Ouais. aussi. Prouver qu'on peut Enfin. faire des choses bien des fois quand même. Ouais. Ok. Du Voilà. coup, bah on va passer au dernier film. Donc c'est Nightcall de Dan Gilroy. Je crois qu'on dit comme ça, je suis pas sûr. Je sais pas. Gilroy peut-être. Ouais, Gilroy. Avec J Jack Gyllenhaal, ou Gyllenhaal, pardon. N'importe. René Russo et Riz Ahmed. Donc c'est un thriller américain, et ça parle d'un mec qui est Jack Gyllenhaal, qui découvre, enfin qui voit un accident sur la route. Je fais vite le résumé rapidement. Il voit qu'il y a des reporters avec des caméras qui arrivent directement sur le lieu sur la scène de l'accident. Et du coup, il est intéressé par le travail de reporter choc, on va dire ça comme ça, ce qu'on retrouve souvent dans notre société en ce moment, ou même dans la société américaine aussi, pas mal. Donc c'est vraiment être le premier sur l'info, être le premier sur les images qui vont garder le public, enfin ne pas faire zapper le public sur une autre chaîne, et avoir toujours l'information en premier. Du coup, ça a l'air assez intéressant au niveau de l'histoire, qui prend un parti pris assez. On va dire que c'est comme. Ça prend le même parti pris que Gone Girl dans La critique des médias. la critique des médias. Voilà. Du coup, moi, ça m'intéresse, et franchement, je pense que s'il passe près de chez moi, j'essaierai d'aller le voir. C'est Moi, pas. pourquoi pas, mais il passera Ouais. pas chez moi, donc Ouais, c'est toujours ça, hein, c'est un d'habiter peu le dans. problème, quoi. Moi, je le verrai certainement l'année prochaine. S'il m'a plu, je ferai une critique sur le site, quoi, mais bon. Ouais. Ben, du coup, ben, moi, je vous en reparlerai si je l'aurais vu. Ou alors, si je l'ai pas vu, j'attendrai la sortie, comme d'hab, en DVD ou en Blu-ray. Voilà. Voilà. Bon, ben, on a fini pour l'agenda cinéma. Voilà. Et du coup, ben, maintenant, on va passer directement à la bande-annonce du mois, et on retrouve ben Quentin avec nous. You stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder. You shit-kicking, stinky horse manure smelling motherfucker, you. You're a fucking secretary. Fuck you. Yeah, that's my message to you. Fuck you and kiss my ass. Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd, qui détient le secret des anciens Mayas grecs, est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçus au cinéma, car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. On est à la rubrique de la bande-annonce du mois, et ce mois-ci, on a choisi la bande-annonce de Avengers 2, Age of Ultron. Donc, on vient de la revoir pour se remettre dans le bain. Et du coup, ben, je vais laisser parler Eddie. Oui, alors celui qui connaît rien à l'univers Marvel, enfin qui si, je commence à avoir une petite culture Marvel, mais du coup, moi, elle me donne envie cette bande-annonce, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Bah. Mais oui, enfin ça me donne envie, ouais. Enfin par rapport à ce super vilain qui a l'air de se profiler. Donc voilà, néophyte, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ok. Simplement. Bah, ouais. Oh, c'est court et concis, c'est. Ouais. Ben si, il y a Elisabeth Olsen aussi là, qui a l'air de se Dans donner à fond dans le rôle de la la sorcière sorcière rouge, hein. rouge, ouais. Qui sont avec son frère, qui sont en fait des enfants j'ai bien compris, de Magneto, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ce qui est assez bizarre parce que, bon, en fait, il y a des vrais problèmes de droit par rapport au film X-Men et par rapport aux autres films Marvel. Ouais. Puisque, comme ça appartient à la 20th Century Fox X-Men, du coup, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas. Voilà. Est-ce que, du coup, c'est Quicksilver, c'était. Evan Peters, ouais, qui était très bon. Dans Days of Future Past, et là, c'est Aaron Taylor Johnson, c'est ça? Ouais, c'est Kick-Ass, quoi. Voilà. Donc ça va être très difficile à mon avis, enfin, ouais, c'est de se réhabituer à un autre acteur aussi rapidement. En fait, en espace d'un an quasiment, on a deux acteurs qui jouent le même rôle. Ça passe si c'est James Bond ou si ça passe si c'est. Ouais, enfin, en même temps, après, Quicksilver dans Days of Future Past, on le voit pas beaucoup non plus. Ouais, mais. Voilà, ça a l'air d'être une autre version vraiment. Enfin, ouais. Enfin, celui de Days of Future Past, c'était un peu petit rigolo de service. Là, ça va être plus, je pense, ça va être plus sérieux quand même. Ouais. Donc là, la Sorcière Rouge et Quicksilver, ils ont été introduits dans la scène post-générique de Captain America 2. Captain America 2. Ah, ok. C'est ça. Et non pas dans Les Gardiens de la Galaxie, ça n'avait rien à voir. Non. On en a dit. Et Howard the Duck dans Les Gardiens. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bon, on va pas revenir sur le sujet. Ah non, c'est bon. oui. Donc, vas-y, Quentin. Moi aussi, j'attends beaucoup le film. Et donc, la bande-annonce a été corroborée, mais attends. Mm-hmm. Donc, oui, j'ai vraiment hâte de voir ça. Déjà, par rapport. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits rien que par rapport au personnage de Hulk. Déjà, de ce que j'en vois, ça. Au niveau des CGI, tu veux dire? Voilà, déjà, et enfin, oui, de la stop motion, enfin, vraiment beaucoup plus d'expression. Donc, désolé. Pas grave. donc voilà, oui, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup aussi. D'accord, ok, moi, ça va être la même chose, sauf que, là, j'ai pas fait attention la première fois que je l'ai vu, mais. On a toujours cette scène des gens qui courent au milieu de New York, au milieu de voitures. On a l'impression de voir la même chose que dans la 1. C'est vrai. C'est juste que là, quand je viens de la revoir, là, ça m'a marqué. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Au New Yorkais. Voilà. Ils ont pas de chance. Hein. Ils sont toujours en gueule. Mais... Leur ville a souvent été détruite. Hein, pourtant, on parle jamais d'eux. Hein, mais... Oui. Ouais. Il y en a des milieux qui meurent autour. c'est pas grave. La magie du cinéma. Ouais, c'est comme ça. Hein. C'est comme tous les films catastrophes. Mais... Ah. donc Avengers 2, ça me tente beaucoup. Mais je suis un grand fan de l'univers Marvel. Et du coup, on attend ça avec impatience. Voir si Joss Whedon a réussi son coup comme il a réussi son coup pour le premier. Mm. S'il n'a pas cédé aux pressions des studios, qu'il a pu mettre un petit peu sa patte comme pour le premier, ce serait sympa. Mais bon, Marvel, ils sont souvent sympas avec les réalisateurs, j'ai l'impression. Ils sont... enfin... Non, je ne suis pas humain. Non, mais non plus, parce que Ant-Man, il a morphé. Voilà. Non. En fait, je voulais dire, sauf pour Ant-Man. Mais, attention hein. Non, mais par rapport. Enfin, tu vois, ce que je voulais dire, c'est James Gunn pour Guardians of the Galaxy, il a quand même pu mettre des trucs. Oui. Ouais. Que tu verrais peut-être pas dans n'importe quel film. C'est ça, en fait, que je voulais dire. Mais bon, Ant-Man. Dans le film était un pari en lui-même, déjà. Ouais. Mais on garde toujours tous en travers de la gorge Edgar Wright, qui a été. Ouais, que moi je connais pas beaucoup, mais c'est vrai que le débat. J'ai pas vu un seul film de Edgar Wright, je crois. Mais je sais, j'ai une culture pourrie. Hein. Non, mais c'est pas. Mais... J'ai jamais dit ça. Hein. C'est que le débat a fait du bruit, quoi. Donc j'en ai entendu parler, et c'est vrai que j'étais assez, assez impressionné, quoi, de voir tout ce qu'il y a. Tout ça, quoi. Parce que juste avant ça, moi j'en pensais du bien à peu près au niveau liberté du réalisateur, j'en pensais du bien du studio Marvel, mais là avec ça, c'était pas. C'est juste que j'avais lu quand même, c'est aussi Ray qui voulait pas trop se. Il y a un moment aussi, c'est dans un film Marvel, il faut quand même donner un minimum. Enfin, c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup de scènes d'action dans le scénario original. Je peux comprendre. Voilà. Il faut que ça soit un minimum divertissant, quoi. Ouais, déjà, voilà, donc c'était un peu trop. C'est bizarre de la part d'Edgar Wright quand même, parce que il y en a quand même pas mal de scènes d'action hein, dans ces films. Oui. Bon, écoute. Voilà, un film qu'on verra jamais, enfin, un film qu'on verra, mais avec un autre réalisateur, avec une autre vision. Mais en fait, on était sur la bande annonce d'Avengers 2, et donc voilà, on part déjà sur un autre débat, mais c'est pas grave. voilà, c'était notre avis. Bah, regardez cette bande annonce, vous savez où la trouver. Et nous, on passe à la fin du podcast. Et on est déjà à la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense que ça a été un petit peu long. On n'a pas été super concis sur Gone Girl, mais en même temps, c'est un film qui s'y prêtait. Donc, on va vous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver. Mais je laisse d'abord la parole à Eddie. Moi, vous me retrouvez sur Movies Nerd, sur Sens Critique. Et voilà. Et sur Twitter. Ok, et Quentin? Donc moi pareil, donc sur Movies Nerd, Sens Critique et Twitter. Ok, donc vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, mais ça on s'en fiche un peu. Ce qui est plus important, c'est le Twitter du podcast, @MoviesNerd, @Movies_8 Nerd, parce que je m'étais trompé la dernière fois, donc cette fois je me trompe pas. Le Facebook Movies Nerd. Le Google Plus et moviesnerd.net pour toutes les critiques, tous les podcasts. On vous invite à aller voir tout ça parce qu'il n'y a pas que le podcast, il y a aussi les critiques. Donc voilà. Il y a des critiques très intéressantes. Surtout sur Hunger Games 1, apparemment, ça t'a beaucoup plu. Là. Ah oui, moi j'adore ce film, donc du coup j'ai fait une critique magnifique. Ouais. D'accord. On va s'empresser de la lire. Allez vous empresser de la lire pour la fin de ce podcast. Et puis, nous, on vous souhaite un bon mois de novembre, même si ça a déjà commencé. Mais, oui. Et plein de sorties cinéma. Et voilà. À la prochaine, salut! He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You unbothered to fool him around. When you've seen him, you're gone, boy. When you've seen him, he's gone.